21h minuit, du lundi au vendredi, Vince sur NRJ. C'est le week-end, on va se faire plaisir. Hey, hey, hey, hey, hey. C'est le week-end, c'est le week-end. On va sortir, on va faire la fête, on va jouer enfin à la PS4, j'ai pas joué depuis une semaine. Oh ouais. Je pourrais aller me coucher tard, ma meuf ne pourra rien me dire du tout. Ma fille pourra aller se coucher à minuit dépassé sans que sa mère me fasse chier. Grosse dédicace. Oh, ça fait plaisir d'être là. Oui, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Viens. J'ai mal aux oreilles. Oui, mais c'est normal. Enfin, en même temps, on fait une émission de radio, donc c'est normal que ça fasse mal aux oreilles. Quoi, je dois faire moins de bruit? Oh, elle est fâchée. Je dois faire que ça. Quoi, tu veux que je chuchote dans l'émission? C'est ça? Ouais. Ok, ça va, je chuchoterai. Ok? Alors, je vais tout bas. Bonsoir, bienvenue sur NRJ. Je m'appelle Vince, j'ai réveillé ma fille. Donc, je suis désolé. Tu vois, c'est ça. Attendez qu'elle est sortie, C'est bon, elle est sortie. Ouais, hey, vite, c'est la maison. Ah, ça fait plaisir d'être là, les amis. Bon, c'est vendredi, ma fille est toujours ici en train de traîner avec moi dans les studios d'énergie. C'est normal, c'est le week-end. J'espère que vous avez passé, en tout cas, un très bon jeudi. Dites-nous ce que vous allez faire de beau ce week-end. Jeudi. Bonsoir, un très bon vendredi, pardon. Ah, ouais. Une très bonne semaine. Ouais, je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai dit jeudi. Ça n'a rien à voir. Ouais, peut-être que parce que je me dis que le vendredi, tu vois, c'est un peu mon samedi, donc du coup, j'ai l'impression qu'on est jeudi, tu vois. Ah, ouais. Bref, je mélange tout. Comment va Lara? Mais ça va super bien. Je constate effectivement. J'ai quand même quelque chose de spécial. Oh, quelque chose de spécial ce soir, Lara. Je sais pas si tu l'entends. On t'écoute. De quoi? Est-ce que tu entends une différence dans la manière de parler? Oui, t'as un petit comme ça dans ta parce bouche. Parce que j'ai un putain d'appareil dentaire. Oh non. Je te jure. Eh, mais c'est où ça? Je dois porter un appareil dentaire. Mais attends, comment ça se fait? Regarde. Il est où dans la barrière? Non, derrière, comme ça, c'est caché. C'est un palais, voilà. Là, je viens de l'enlever, mais je le remets tout de suite. C'est un palais que tu as placé, mais pourquoi, toi qui as une belle dentition aussi parfaite? C'est pas pour ma dentition, c'est pour ma mâchoire déboîtée. Ah oui, parce que tu t'es fait opérer d'une dent de chasseur, ou non, je sais pas très. Non, j'ai plus mon. T'as été opéré auparavant. Ah oui, quand j'étais faire mon détartrage, voilà. Et ben, j'ai gardé la bouche ouverte trop longtemps. Et ça a fait clac. Et ça a déboîté complètement ma mâchoire, ça fait un bruit immense. Donc à chaque fois que tu parles ou que tu manges, ça fait clac, clac, clac. Clac. C'est... Oh, mais plus que clac. Il y a plein de gens qui vivent ce genre de truc. On en a parlé dans l'émission, il y a eu plein de messages. De genre, ouais, moi aussi j'ai ça côté droit et tout. Et donc là maintenant tu m'as un appareil dentaire pour rectifier le truc. En fait, c'est pour éviter que ma mâchoire supérieure et inférieure ne se touchent. Il faut surtout détendre en fait la... Ah, t'as vu comment je parle? On dirait que tu mâches un truc pendant que tu parles. Même dans chelou. Sagesse, elle a dit dans de chachèche. C'est le temps de t'adapter là du coup. Oui, mais je viens de l'avoir là il y a une heure quoi. Ouais, c'est vrai, à chaque fois qu'elle parle, on entend. Mais ouais, en fait, je peux l'enlever. Hein. Non, normalement, je dois l'enlever, mais franchement, je préfère bien faire. Mais c'est sympa, c'est mignon, t'inquiète pas. Bonsoir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir Lara dans l'émission, comme d'habitude, avec son petit. Et dans cette émission, moi, Vince, maître de cérémonie, je présente également Nigel qui est là. Ça va, Nigel? Et bonsoir. Alors, Nigel, la vie est belle ou pas? Ouais, super, on est vendredi ce soir, c'est parti, on y va direction Bloody. C'est quand, les gars? Direct, tu vas Bloody ce soir, toi? Ouais, je vois rien à Camorra, elle m'a invité en backstage. Ah, j'espère qu'elle va te dire bonjour quand tu vas la croiser. Elle m'a invité en backstage. C'est vrai, c'est carrément. Vrai. Oh là là. Voilà, bénef, hein. Non, elle t'a invité ou les managers? Non, elle. Carrément, elle est venue, elle t'a dit ouais, viens en backstage en et tout. Propre. Elle m'a vu aider, elle a dit viens. Avec ses mains propres et avec tout, carrément. Genre ses mains, il y avait plein de crème et tout. T'as vu, je découvre un truc, il m'invite même pas. T'as vu, j'arrive ici. Je sais pas, elle m'a dit ramène que des beaux gosses. Oh, c'est trop facile, c'est trop facile. Non, franchement, elle m'a dit. En plus, c'est Nigel qui dit ça de moi, quoi. C'est pas grave. Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais genre, elle a vu aider moi, elle nous a trouvé stylé. Elle a dit ouais, venez à mon concert. D'accord, comme ça. Voilà, bénéf. Et c'est, tu vois, je découvre à 21h05. T'as vu, l'esprit d'équipe, il est pas là. Il y a pas d'esprit d'équipe ici, non. Ça pense qu'à leur gueule, ils font leur truc de leur côté. T'as vu, je m'assis. Non, regarde. Ils ont des plans, ils disent rien à personne. Non, venez les gars, on y va comme ça, on lose des. Mais tu sais pourquoi on fait ça pour l'émission. Oui, bien sûr, des couilles. Comme ça, après, tu auras des exclus dans l'émission. C'est ça. Et après, je vais avoir une vidéo de Yana Kamoura, genre, ouais, dédicace à Nigel, Eddie, Thibaut, qui sont là tous les soirs sur NRJ, 21h. Je vous vois venir. Depuis 10 km, je vous vois venir, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Pendant que vous serez là-bas, ben. Ouais, je sais pas, moi je vais peut-être rester tranquille chez moi, dormir à la maison. C'est le vieux papy, en fait. Et comment va Thibaut? Bah, moi, ça va, hein. Bah, c'est ça. Toi aussi, t'as la barrière dans terre. Non, ça va. T'as un cheveu sur la langue. Ouais, un peu si quoi. Ça va, tu vas bien? Ouais, ouais, super. Toi aussi, tu sors Bloody alors, voir Aya Nakamura, toi. Ouais, ouais. Elle sera avec nous sur Énergie lundi, je tiens à le préciser. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais pas rentrer trop tard, sinon moi, demain, je suis mort, je travaille. Ouais. Toi, t'as surtout pas été invité, frérot. Ouais, c'est ça. Incroyable. Et donc, Eddy, alors, comment ça se passe? Ça fait du dragage, du dragouillage à Aya Nakamura, alors. Attends, tu peux recommencer en disant bonjour, Eddy. Bonsoir, Eddy, comment ça va? Salut, Énergie. Ouais, ouais. C'est quoi cette voix? Non, je sais pas, c'est la voix que j'entendais dans l'Energy Music Awards, là, tu vois, au début dans la pub. Là. D'accord, quel show, dis donc. Wow. C'est tout mignon, là. Alors, donc, toi, Aya Nakamura, il y a des enroules, il y a Anguille sous roche. Ouais. En fait, Aya, elle m'envoie tout le temps des messages en DM. D'ailleurs, là, si elle pouvait éviter de m'en envoyer parce que ça commence à être un peu. Non, mais on sait très bien que tu la colles pour la plus bonne de ses copines. Exactement, exactement. Eh, d'ailleurs, d'ailleurs, on a vu la plus bonne de ses copines. C'est vrai, ouais. Ah ouais. Bah, dis donc, à ce point-là. Elle est venue à quoi? Avec ses copines, alors. Ouais, ouais, elle est venue avec une copine. Je crois que c'était vraiment elle la plus bonne de ses copines. Incroyable. Donc ça veut dire que elle a créé son single sur ce qui s'est passé vraiment dans sa vie. C'est ça, ouais, je pense que c'est ça. Hein. C'est mignon en tout cas. Effectivement, elle sera, je crois, elle sera dans une petite soirée tranquille, mais en tout cas principalement sur Énergie lundi. Ouais, faut pas l'oublier, les amis. Elle sera ici dans l'émission de Khalid et Wendy. Bon, j'espère que de votre côté tout s'est bien passé. Vous êtes prêts pour ce week-end? Avant de lire vos messages sur le WhatsApp, bon, je vous donne le numéro de téléphone tout de suite, le 0492 222 002. Qu'est-ce qui se passe, Anaïs? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais vas-y, parce que moi j'ai un casque, j'entends pas. T'as quoi? Oui. Je suis un docteur. T'es un docteur? Super. C'est vrai? Ok. C'est normal une émission de radio où il y a un enfant qui vient parler, genre interrompre l'émission? Bah oui, pourquoi pas? Bah oui, c'est bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on était chez moi à la maison, hein, tranquille. Et voilà, et puis ma fille, quand elle vient me parler, je lui réponds. Donc désolé, j'arrête tout et je parle à ma fille. Ouais, c'est vrai, non, mais t'as voilà. raison. Hein. Et je remets la musique. Voilà, on est de retour. On a Mathis qui est là dans le standard. Là. Salut Mathis. Allô? Yo, Mathis est dans la maison! On a Energy. Ça va, Mathis? Oui, allez-vous? Ben, ça va très bien, Mathis. Ouais. Tu viens d'où? De Belgique. Waouh, joli! Ben oui, merci. Allez, passe une bonne soirée, un bon week-end! Et il aurait pu venir du Luxembourg. C'est vrai, exactement, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent au Luxembourg et même en France, hein, à la frontière et tout ça. Et donc, du coup, Mathis, tu viens de quelle ville plus précisément? Bertry, c'est de quel côté, Bertry? C'est pas du côté de... Bertry, moi, je connais j'allais un peu. J'allais dire Saint-Guilain. Croix-Rue du Luxembourg. Ah, rien à voir, Saint-Guilain, ça n'a rien à voir. Eh, mais elle, Lara, la vise dans le Milan. Eh, Bertry. Lara. Ouais, ouais. Province du Luxembourg. Eh ben, ça fait plaisir, mon pote. Comment est-ce que la vie va, là, du de ton côté, Mathis? Oh, bien. Tu vas faire quoi de beau ce week-end, toi? Bon, samedi, je vais partir à la batterie. Tu vas batterie? Pardon. Attends, partir à la batterie. La batterie, c'est quoi? La batterie de musique ou rien à voir? Instrument de musique. Comment? T'as rien compris. Un instrument de musique. Ah, ouais, ok, tu vas aller au cours de batterie, quoi. Il est aussi à l'appareil dentaire aussi. Non, mais partir à la batterie, ça veut rien dire. Oui, désolé. Non, mais c'est une manière de parler, voilà. C'est partir à la guitare. Voilà. Bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des mecs. Tu marche, peux partir en flûte aussi. Oui, ça marche bien, ouais. Partir à la piscine, bah ouais, ça marche. Mais il va à la batterie, quoi, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Donc tu joues de la batterie, Mathis? Oui. T'as une batterie chez toi à la maison? Oui, dans mon garage. Et dans mon téléphone. Attends, tu sais bien jouer ou pas? Oui. Eh, mais attends, bah, Mathis, c'est quand que tu nous fais un petit live là, avec le téléphone? Tu vas dans le garage, boum, tu nous tapes un petit truc en direct sur Énergie? Pas aujourd'hui. Hein. Oh, dommage! C'est une vraie batterie ou une batterie électronique? Une vraie. Ah, bien. Ah, mes parents, ils l'ont mise dans le garage, tu vois. Ouais, c'est ça, pour éviter que ça fasse trop de boucan. Ah, genre, c'est l'horreur! Genre, ah, mais, je commence à me faire chier avec ta batterie, toi, Mathis, hein! Bah, le problème, c'est qu'il y a tout mon quartier qui m'entend. Ah ouais, carrément. Bah ouais, ah c'est oui. vrai qu'à 21h09 là, ça doit être galère de. En plus, Bertrice, c'est petit village, donc t'imagines, ça résonne. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouverais ça trop kiffant. Mathis, c'est quand que tu nous fais un petit live? Je sais pas, un live sur Insta, par exemple. On peut se faire un petit truc en simultané ou alors en radio sur Énergie, hein, si tu veux. Ouais, si vous voulez. Bah écoute, on va s'arranger pour lundi, comme ça. Hop, tu nous montres de quoi t'es capable. Ça marche? Ouais, ça marche. Allez, super. Et t'as envie de faire des dédicaces, peut-être, Mathis? Peut-être. Non. Ok, pas de problème. Y a pas de problème, mon pote. T'inquiète pas, le pauvre il était là. Attends, est-ce que j'ai quelqu'un à faire une dédicace ou un truc dans le genre? Une dédicace à toutes mes batteries dans mon garage. Ouais, putain, en parlant de ça, je dois changer la batterie de ma voiture. J'ai une nouvelle batterie démarrée ce matin. Ouais. Encore? Ouais, mais c'est les batteries de Smart, c'est naze, quoi, vraiment. Merci. Bon, je te fais un bisou, Mathis, quand tu veux. Hein. Ouais, salut. À bientôt, allez, bisous. Au revoir. On a Nico qui est là. Salut, Nico. Oh, comment ça va la famille? Oh, Nico est dans la maison! Ça va, mon pote, Nico? Bien, bien. Alors, tu vas faire quoi de beau ce week-end, toi, Nico? Ben, écoute, ici, je suis en plein anniversaire, là. Ah, c'est l'anniversaire de qui? Bah, de ma tante. De ta tante? Ah, et quoi, t'as pas mis la radio là pour lui souhaiter un bon anniversaire à la radio en même temps? Ben si, mais ici, ils m'ont tous foutu dehors là pour parler justement parce que c'était le bordel à l'intérieur. Là. Ils sont pas en train d'écouter Énergie à l'intérieur? Non, tu veux que je leur demande? Mais dis-leur de mettre Énergie tout de suite. Et qu'ils fument tous avec leur téléphone. Et ça va prendre une pause. Je rentre directement. Elle s'appelle comment ta tante? Elle s'appelle Marjorie. Marjorie, bah vas-y, demande-leur de mettre Énergie. Vas-y. Ah, il toque à la fenêtre. Ah, ouvrez-moi. Imagine, il ne peut plus rentrer. Attends, je vais leur dire. Allez, c'est parti pour ça. Allô? Ouais. Eh, hey, vous savez mettre Énergie? Eh hey. Ils vont le mettre dans le ventre. Énergie, s'il vous plaît. Eh ben, Énergie, putain. Ah, de nous casser les couilles avec ton vide. Ils sont en plein karaoké et tout, là. Ils sont en karaoké. Bah, attends, ils vont faire karaoké sur DJ Sync, taki-taki, dans deux secondes. Ça va arriver. Alors, ils ont mis Énergie ou pas encore? Vous avez mis Énergie? De le mettre, là. C'est le galère. T'habites où, Nico? À Carnion, ici. Ah, Carnion, d'accord. Carnion, tout près de Mons. Ouais, c'est près de Mons. Bah, attends, laisse-moi vérifier un truc. La fréquence. La fréquence, ouais, je les connais pas par cœur encore. Je suis arrivé au mois d'août en même temps, laissez-moi le temps. Hein. Il y a plein de fréquences à Énergie, genre le double d'où j'étais avant, donc c'est un peu galère. Alors, Mons, purée, il y a beaucoup de fréquences à Mons, hein. C'est sympa ça, il y a plusieurs possibilités. Ouais, c'est cool. Alors, c'est le 104.8, cool. Mets 104.8. 104.8. Ouais, vas-y, mets 104.8. 104.8 derrière. Ou mets 105. Attends, vite, t'en as plusieurs, mets le 105.6. Enfin. Ou 104.9, comme il veut. 104.6, ouais, ça c'est pas avant. Maintenant, on est à 104.9, je pense. Ouais, franchement, regardez, je vous montre la map, il y a vraiment deux antennes, quoi. Mais oui, je suis toujours. Avant, c'était 107.6, je pense. Bah, t'as les deux, t'es tranquille, t'as les deux, t'inquiète. Ah ouais, ça va, tranquille, 104.8. Ouais. Oh, c'est bon, là, ou quoi? Oh là là, dis. Alors, 104.9 ouais, ou alors... Ouais, mais c'est un vieux poste, là, ils sont en train de chipoter, là, 104. C'est eux, c'est les vieux. 104, encore un peu. 104.9. Voilà, 104.9. 104.9. Voilà, tu t'entends en écho ou pas? Voilà. Ah bah voilà, c'est bon, on est en direct. Là, t'es en direct, là, avec toute la famille. Ouais. Eh bah voilà, hé, Marjorie, je sais pas si tu nous entends, Marjorie, mais il paraît que c'est ton anniversaire. Elle a quel âge, Marjorie? Marjorie, tu as quel âge? 46 ans. Eh, hey, le mec, il connaît pas l'âge de sa tante, Marjorie. Encore une bougie de soufflé, encore une année passée. Anniversaire Marjorie. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Pour que t'aies tout bon, pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Et Nico connaît pas ton anniversaire. Bisous à toute la famille. Et Nico, on te fait un bisou aussi, mon pote, hein. Ouais, merci la famille, merci, c'est cool. Et franchement, c'est sympa. Fais bien la fête et puis faites le karaoké sur DJ Snake maintenant, taki-taki, ça marche? Yo, ça marche, la famille. Allez, à bientôt, les gars. Et attends, juste une question. Ouais, attends, avant qu'on balance DJ Snake, je voudrais savoir un truc. Est-ce qu'on peut inviter les gens à l'anniversaire de Marjorie, là? Bah ouais, fais venir tout le monde. C'est vrai, bah donne... Chez moi, de toute façon. Bah, c'est quoi l'adresse, vas-y? Ah, ça, ah, putain, je sais même pas la rue, en fait. Arrête! Je sais même pas la rue. Mais le mec, il s'est dégonflé. Il se connaît non, pas la rue. Je sais même pas la rue. Je sais juste même pas le numéro, là. C'est écrit avec des vidéos. Je veux pas le donner, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ah, je vais me faire tuer, les gars. Bah, grave. On va voir bon après. Vince, ouais, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Vince, tu sais avec qui j'ai mangé hier, justement? T'as mangé avec qui? Avec ton père, avec ta mère, avec qui? Justement, avec le chinois que t'as. Vous avez offert un vélo. Arrête! Non, mais attends, je te jure, il est à côté de moi à la table, juste à côté. Mais non, mais j'ai reçu 5 messages de 5 personnes différentes qui me disent j'étais que ton chinois. Eh, mais. Il est devenu une star de ouf, hein. Mais attends, mais lui, depuis qu'il a fait un crowdfunding, il va dans les restos et tout, alors quand même, manger des trucs en conserve. Hein. Non, mais vraiment. Ouais, mais là, il mangeait des trucs à volonté, enfin, comme d'habitude, tu vois. Il a été mangé chinois, en fait. Oh non, attends, Nico, c'est ouf parce que t'es du côté de Mons et je sais qu'il est parti hier. Matin, et donc t'as mangé avec lui aujourd'hui? Il est à Waterloo hier. Hier, il était à Waterloo. Ah putain, il mangeait à Waterloo. Hein. Il a fait 17 km. Il a rien fait. Il a rien fait. Je vous ai envoyé une photo de son vélo. Putain, on dirait une camionnette. Je te jure, il y avait des valises. Ouais, je sais. Le vélo gris noir, là. Parce qu'avant, il y avait un rouge. Maintenant, il y a un gris noir qu'on lui a chopé. Ouais, là. C'est ça, avec des petites cornes, un drapeau chinois à l'arrière. Eh ben putain, c'est énorme. Ouais, pour les auditeurs qui n'ont pas suivi les histoires, là, le pauvre chinois, il s'est fait voler son vélo. Là, il a fait 15 000 km depuis Shanghai. Il s'est fait voler son vélo à BX, gare du Midi. Ouais, ma gueule. Bienvenue dans mon TX, normal. Ouais, c'est ça. C'est ça le pire. Bah c'est ça le pire, ouais, bon. C'est moi le bordel. Allez les amis, on se fait DJ Snake. Je te fais un bisou Nico, merci à toi mon allez, pote. Salut, salut la famille. Allez, salut, salut, salut. Et je vais lire vos messages sur le WhatsApp, il y en a des tonnes qui sont arrivées, je les check tout de suite là. DJ, tac, DJ Snake, aïe taki taki, sans énergie, let's go. Allez, ce soir en fait, on a Véronica la voyante. On a quelqu'un qui veut venir chanter en live à l'antenne. Et on a les meilleurs moments de l'émission. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le va el puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Bonsoir à toute l'équipe, ravi de vous réentendre. Merci au Black Friday aujourd'hui qui nous a bien vidé toutes les poches. Hein. Tu peux rater l'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit sur Énergie. Hey Vince, c'est Energies, ben ça se passe bien tout le monde là. Merci à Kessa pour son message. Il y a Giuseppe qui est connecté, Olivier aussi qui est là. Alors il y a plein de messages qui sont arrivés ce soir. Hein. Je vous rappelle le numéro de téléphone, les amis, c'est le WhatsApp 0492 222 002. Josué qui me dit salut Joe est aussi dans la zon. Olivier qui m'envoie notre vocal aussi en prime là. On est allé dans la maison sur Énergie. Oh, c'est mignon! Ah, c'est sa fille! J'adore quelqu'un qui m'a dit trop choupette ta fille aussi, Vince. Comment ça se fait qu'elle est avec toi au studio? Bah, parce que le vendredi, comme ça de temps en temps, elle est là, voilà. C'est le week-end et tout. Elle me dit, papa, je peux venir avec toi au travail et tout. Et comme en journée, bah, j'ai pas envie qu'elle ennuie tout le monde parce qu'elle est du genre à être appornuante avec tout le monde. Non, non. Alors, de temps en temps, mais pas ennuyante méchamment. C'est-à-dire qu'elle est ravissante, elle est cool, elle est gentille, tout ce que tu veux. Mais ma fille, elle va toujours, tu sais, il y a des gens qui sont en train de travailler. Gens, elle va tout le temps parler aux gens et tout. Alors, du coup, moi, je me dis, bon, le soir, au moins, il y a que nous, il y a que l'équipe. Elle et... fait comme Vince, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, parle aux gens donc, en mode relou en plus. Ah, Nigel, il marche en solo, Vince. C'est pas bon ça. Eh ouais, mon vieux, qu'est-ce que tu veux, cette jeunesse présomptueuse. Ah là là, faut la calmer, faut la fouetter. Une super bonne journée. Je vous présente Léonie en purée. Et quelqu'un nous a envoyé une photo de son nouveau-né, mesdames et messieurs. Oh, oh je suis moche. Ah, t'es dégueulasse. En non, direct... franchement. Surtout qu'en plus, elle est super mignonne, quoi. Mais complètement. Faut lui faire son nez. Hein. Bah, j'aimerais bien voir ta tête, toi, quand t'étais bébé. Eh ben, là, j'étais bégé. Je suis bégé, moi. Ouais, cheveux crôlés et tout. Un mouton. Alors, il y a des trucs qu'il ne faut pas clasher. C'est des nouveaux-nés. Il faut leur laisser une chance. Ouais, faut, bon, faut leur laisser un nouveau-né. Voilà. Coucou la famille. On vous écoute en famille. Jordan, Morgane, Émilie, Gary. On est dans la maison. Merci pour le message. Et Simo, là, qui a trouvé A, et ben, il nous écoute. Et en même temps, pendant qu'il nous écoute, il tombe sur une pub du 6-9 sur Energy sur un bus Stib. Merci. Voilà, qui fait bien plaisir. Au-dessus, il est écrit sorry pour en service. Alison aussi, qui est connectée. La Vigne, j'ai trouvé un truc super pour Dominique. Je garde ça. Émilie, elle est trop chou, ta fille. Merci, c'est gentil. Salut l'équipe, je me suis fait friendzoner là. Thiago, oula, Thiago, on va voir si on peut pas t'aider à sortir de la friendzone, mon pote. Salut à Nage qui est là aussi. Il y a Laurent, il y a Hugo, Aloïs. Je sais pas si tu le sais, mais Eddie m'a dit que vous allez m'appeler pour me souhaiter un bon anniversaire. C'est Aloïs qui a dit ça. Eddie dit beaucoup de choses. Ah bon, Eddie, tu as dit qu'on allait m'appeler. C'est comme ça. Alors, demain, moi, j'ai jamais parlé à Aloïs. D'accord. Ah, c'est Thibaut alors. T'as confondre un beau gosse à un rouge, ouais, c'est quand même chelou. Les deux sont pas antinomiques. Antinomiques. Enfin, c'est pas grave. J'enlève mon appareil, on comprendra mieux. Ah, antinomique. Donc tu dis, c'est quoi ta défense? Bah, y a pas de défense. L'émission, elle est pas finie là. Oh là là. Ah ouais. Effectivement, faut laisser le temps alors du coup. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Anaïs? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand ça finit, oui, tu dois un peu attendre et après quoi? Et tu dois compter sur 10 et après faire comme ça. D'accord, ça va, elle je vais faire ça. Elle part de quoi? Elle m'a ramené un petit sablier là. Elle veut que je voilà, elle a tourné le sablier. Elle veut que je compte et après je dois retourner le sablier. Je suis pas très bien. Donc voilà, je lui dis oui, tu vois, comme ça, comme ça on peut faire l'émission. Vince, c'est trop fort ta fille qui intervient. Elle devrait co-animer avec toi. Non, on va pas déconner. Elle va me demander d'être payée et tout. Après, ça se fait pas là. Moi, Vince, quand je serai grand, je veux travailler à Énergie. Eh ben vas-y mon pote, hein, il faut postuler. Marie est dans la maison, trop drôle Nigel avec le bébé. Ha ha ha. Il y a Aka qui est là, il y a Damien aussi et il y a Gary. Voilà. J'ai fait un petit topo là du côté du WhatsApp 0492 222 002. On va faire Lady Gaga avec Bradley Cooper avec Shallow. Et ce soir, les amis, je vous rappelle, vous avez le choix dans les meilleurs moments de l'émission. On en a vraiment des tonnes à vous proposer ce soir. Et on a Véronica la voyante, wow, yeah, qui sera avec nous sur Énergie. Alors ouais, la voyance, c'est la sorcière, quoi? La sorcière. La voyance, c'est quoi? La voyance, c'est. Je sais pas ce que c'est, moi. C'est une. Voilà, c'est Véronica qui passe et qui vous pose des questions. Alors elle vous pose pas des questions, c'est vous qui posez une question à Véronica, mais vous devez donner un minimum d'infos sur vous. Donc vous devez pas dire oui bonjour Véronica, je suis divorcée, voilà, je cherche pas ce qui m'est arrivé, c'est là non, tu veux dire, voilà, il faut rien expliquer, je voudrais avoir des infos sur ma vie personnelle. Exactement. Ma vie au travail, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie professionnelle, qu'est-ce c'est qui tout. Se passera en amour, ou alors il y a amour professionnel, santé elle n'en parle pas non. trop, et juridique non plus effectivement, mais en tout cas genre... si juridique vite fait elle dit qu'elle en parle pas, mais vite fait en fait non, quand si elle voit quelque chose qu'elle peut dire oui, mais elle répond pas à une question directe sur ça. Voilà, d'ailleurs si vous voulez passer avec elle à l'antenne, il suffit d'envoyer Voyance par WhatsApp 0492 222 002. Si vous n'avez pas WhatsApp les amis, bah malheureusement, désolé de vous le dire, c'est un petit peu plus cher, c'est par 30-18, hein, ouais. Je crois que c'est 15 centimes, ouais, hein. 25, c'est 15, moi je suis sûr c'est 15, c'est 25, c'est écrit dans la farde là. Attends, t'es sûr? Ouais, c'est écrit, ouais, moi je suis persuadé que c'est 15, c'est 25, t'es sûr c'est 25? Alors ouais, on peut parier. Tu veux lancer les paris? On lance un pari, il y a une carte bingo ici. Alors attends que je regarde, on lance les paris. Et tu sais, c'est mon émission de radio, c'est ma radio, je connais même pas le prix du SMS. Il a dit c'est ma radio. Ouais, j'ai des parts dedans, tu savais pas? Ah c'est vrai? Ah mais tu savais pas, ah, putain pas, c'est cool ça, ouais, hey, Marc Vossen c'est mon tonton. Ah oh, yeah. Exactement. Alors, je l'attendais celle-là. Je regarde, je vois pas le... Non, je vois pas, Non, t'es viré. Et c'est que je vois pas un Nigel dans la farde, hein. Si, au tout début. Au tout début, wesh. Ouais, tout début. Regarde en bas. Mais il y a quoi dans cette farde? En bas de la feuille. Alors, ben non, il y a rien. Je te dis qu'il y a attends, rien. J'arrive. Vas-y, oh là là. Viens, amène-toi là. T'as perdu le temps là. Ah ouais, ok. T'as vu, regarde, c'est 5 centimes par SMS envoyé. Ouais, 5 centimes. Non, c'est 25, c'est 25. Ah. C'est 25, je le précise. Ah. Bon, qu'est-ce qui. Allez, ça part en sucette dans cette émission. Les amis, on a même pas. On a à peine commencé que ça part en sucette. Donc, WhatsApp 0492 222 002. Et je vous rappelle, par le SMS le 3018, c'est 25 centimes. Il y a l'animateur de Nostalgie qui est arrivé avec un truc sur sa tête, un des jeux oui, de la fille. Elle jouait avec ta fille. Ouais, ouais. Il joue, pardon. Voilà. Que ça reste calme quand même. Elle est capable d'aller prendre le micro sur Nostalgie. Hein. C'est très sérieux ce truc. Hein. Bon, ça ne paie pas pour écouter Nostalgie non plus. Puis plus tard, on lira sur Wikipédia. Elle prit le micro un jour en 2018 sur la radio Nostalgie. Ouais, c'est ce jour-là que tout commence. Si elle veut bien gagner sa vie, elle ne doit pas faire de la radio alors. Hein. t'es le meilleur. Je t'écoute chaque soir. Merci pour le message. Fais danser ta fille sur Losing It. Ah, vous avez suivi l'Instagram. Oh, vous êtes malin. Qu'est-ce qui se passe? Elle est encore là. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. J'ai oublié de le tourner. Ah oui, désolé, j'ai oublié de tourner en fait, sablier. En fait, le vendredi, tiens. On doit même pas venir, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je pourrais co-animer avec elle, en fait. Hein. Bon, allez, Lady Gaga, sur Énergie, avec Bradley Cooper, ça s'appelle Shallow. On va calmer l'ambiance. On va voir Aloïse dans le standard dans quelques secondes. Les amis, si vous voulez passer dans la voyance, vous envoyez voyance sur le WhatsApp 0492 222 002 et vous allez pouvoir parler avec Véronica qui arrivera tout à l'heure sur Énergie. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself. Sur Énergie. Allez, soyez bienvenus sur Énergie, il est 21h30. J'espère que ce soir les choses se passent, que vous avez bien célébré le week-end. Parce qu'il faut se poser quand même, et que le Black Friday, au lieu que ce soit le Black Friday, c'est le Black Friday, tu vas braquer les magasins, n'importe quoi. Non, mais que le Black Friday s'est bien passé, je sais pas. Est-ce que vous avez acheté des trucs ou pas? Toi, Lara, t'as profité du Black Friday ou pas? Non, pas du tout, non. D'accord. Et toi, Nigel? Je suis contre le Black Friday. Ah, toi, c'est tu pas vrai. Toi, tu es pour le Green Friday? Ouais, parce que c'est étrange de la part d'un mec qui va se cacher souvent des trucs. Mais non, ouais, mais ça a rien à voir. J'achète surtout pas pendant le Black Friday. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pas faire une polémique, mais c'est un truc qui était décrit parce qu'avant c'était avec les esclaves, tout ça, donc c'est pour ça que j'achète pas. Non, vraiment? Mais non, c'était. Si. Faisons un peu de zététique. Oui, c'est tellement vrai. Explique. Le Black Friday, en fait, c'était avant, c'était avec les esclaves. Ah bon? Avec les esclaves noirs, quand il en restait pas beaucoup. Ils faisaient réduction? Ouais, ils faisaient genre une Black Friday, donc ils vendaient leurs esclaves, genre c'est une fake news. Non, c'est pas une fake news. Mais non, le Black Friday vient du fait que c'est un jour où en fait les prix diminuent et qu'il y a plein de monde qui vont dans les magasins. Et quand il y a plein de monde, tu sais, c'est noir de monde. Et donc, du coup, c'est le Black Friday parce que c'est full de monde. Mais j'ai vu ce truc sur Twitter, mais c'est fake news. C'est pas sur Twitter, c'est sur Internet, frère. Ouais, mais Internet, c'est pire. Va sur Wikipédia, s'il te plaît. Attends, moi, sur le Gorafi, moi, ouais. je vais appeler un gars qui s'appelle Sam Buisseret. J'espère que je vais trouver son numéro de téléphone pour lui demander son avis. Sam Buisseret, c'est un YouTuber belge qui a 50 000 abonnés YouTube et qui fait spécialement une chaîne YouTube sur la zététique. Vous savez, c'est quoi la zététique? C'est alors, comment je vais expliquer clairement ce qu'est la zététique? J'ai besoin de Google. Google, aide-moi pour la zététique, s'il te plaît. Zététique, en fait, c'est pour démontrer ce qui est faux ou ce qui est vrai. Mais ça vient de quel mot, zététique? Alors, est défini comme l'art du doute. Voilà, en fait, la zététique, c'est douter de ce que tu entends. Tu dois toujours émettre un doute. C'est ce que les gens doivent faire avant de partager, avant de commenter une info. Donc, l'art du doute, c'est quoi? La zététique, c'est, t'as entendu parler que, je sais pas, les taxes allaient augmenter pour cette raison. Eh ben, tu dois douter de l'information que tu reçois, même si elle vient de la télévision ou de n'importe quoi. Ça te permet, du coup, de faire tes recherches et de prouver si c'est une vraie news ou une fake news. Et donc, faisons preuve d'un peu de zététique. Moi, tu me dis Black Friday, ça vient des esclaves, c'est intéressant. Je voudrais l'avis des gens, est-ce qu'ils pensent que c'est vrai ou pas. Moi, je suis pas très sûr que ça vienne là. Moi, j'ai entendu un autre truc perso, mais ce serait bien. Je vais voir si je peux l'appeler là. Mais même avec si lui. C'est ça, c'est plus ça maintenant. Enfin, je veux dire. Les choses évoluent, mais. Ouais, non, ça évolue. Là, tu as fait ses recherches, attention. Ouais, mais moi, j'ai fait mes recherches là. Je suis encore devant. Pourquoi Black Friday? J'ai tapé ça sur Google. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut? Non, mais moi, j'avais appris en cours, c'était par rapport à la révolution industrielle. Ah oui. Ouais, du coup, il y avait une crise, c'était la crise et tout ça, et donc tout avait chuté. Ah mais non, ça c'est le jeudi noir. Ouais, ça c'est vraiment. Voilà, le jeudi noir. C'est en bourse, c'est le krach boursier de 29. Ouais. Voilà, tout à fait. Le mec a fait marketing et connaît rien par rapport au marketing. C'est quoi le rapport, gros? On adore. Bon, moi je vois vite fait de loin que Black Friday désigne le lendemain du repas de jeudi de Thanksgiving, qu'on ne fête pas encore ici. Bien, un jour ça viendra à mon avis. Il y en a qui le fêtent quand même. C'est vrai, il y en a qui font ça. Oui, oui, oui. Donc voilà. Pour faire les Américains, tu vois. Alors, le Black Friday, donc localement dénommé Vendredi Noir au Québec. Vendredi fou. Voilà, exactement. Alors moi, j'essaie de trouver, parce que ça va être difficile pendant que je fais une émission de radio de retomber sur les informations concrètes. Mais moi, pour moi, ça n'a rien à voir avec les histoires d'esclaves. Hein. Moi, sérieux? Pour moi, c'est un fake news de du ouf. Du coup, t'as raté plein de promotions, Nigel. Il est dégoûté, regarde. C'est comme cette histoire des Minions. Les Minions auraient été inspirés de gens qui étaient des nazis et tout. On a montré des mecs en scaphandre, on dit c'était des nazis. Ça a commencé à faire le tour, genre ouais, les Minions ont été inspirés d'un truc raciste, etc. Alors que c'était complètement faux, on a prouvé que c'était une fausse info. Donc voilà, mais c'est intéressant d'approfondir le truc. On va voir Louis dans le standard dans quelques instants pour son anniversaire. Et il y a des messages qui arrivent là sur le WhatsApp, on les check dans quelques secondes sur Énergie. Bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Énergie Extravadance, la plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h, Extravadance. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. I have to try. I can feel it in my bones. There's no more lies. Need to leave my comfort zone. Look in my eyes. If you don't turn to stone, I'd be surprised. But I can go on my own. It all started in November. We made it through the summer. You might get lost, but just remember. Don't hold back. I sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. Don't hold it back any longer. Sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. So don't hold me back any longer. Tried and tried. No interest is shown, but I'm not the type to leave before the dawn. I sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. Don't hold me back any longer. Sing this song for the moment. You better fly high, it's over. Come on, let the vibe make it stronger. So don't hold me back. I'm soirée démarre dès 21h. 21h sur Énergie avec Vince. Vince est sur Énergie. Ah bah bien sûr, on n'est pas ailleurs, hein. On n'est pas sur Chérie, on n'est pas sur Nostalgie, on est bien sur Énergie, les amis. Vince est dans la maison. Alors c'est intéressant, on a eu plein de messages là concernant le fameux Black Friday, notamment une remarque là sur le voice note de WhatsApp, puisque Nigel nous disait ouais non moi je suis pas pour le Black Friday, je l'ai pas fait aujourd'hui. C'était une simple question en plus de base parce ouais, que ouais, tu pensais que c'était quoi contre les esclaves, enfin c'était les esclaves qui avaient ce traitement avant. Voilà, c'est-à-dire que c'était genre moins 50% etc. quand ils étaient pas vendus à l'époque. Voilà, c'est ce qu'il a entendu lui. Bon, moi je crois vraiment que c'est une fake news. J'ai regardé sur internet et tout le monde dénomme, en tout cas les sites sérieux disent que c'est une fake news. Maintenant on nous a donné une info. Alors d'après ce que j'ai entendu, le Black Friday c'est rien à voir avec les esclaves, Nigel. Par contre c'est en fait ça vient du fait que les magasins en fait pour avoir leur chiffre d'affaires sur l'année, ils ont fait justement ce jour qu'ils ont appelé le jour noir, le Black Friday. C'est pour que ce jour-là, ils puissent remonter dans le chiffre d'affaires et pouvoir faire leur quota en fait de l'année. D'accord. D'après ce que j'ai entendu. Sauf qu'il n'a pas expliqué pourquoi. Ça reste encore à confirmer. Alors, il y a deux infos que sur un site extrêmement sérieux que j'ai trouvé, qui s'appelle nomen.fr, qui justement parle de tout ça. Deux hypothèses donc sont fréquemment avancées pour expliquer l'origine de cette appellation. La première remonte aux années 60, le terme Black Friday étant alors utilisé en référence aux rues commerçantes bondées de piétons et d'automobilistes. Comme ça, c'est ce que tu disais, toi. Voilà, noir de monde. Il y a plein de gens dans les rues. Effectivement, quand on voit les images des États-Unis, il y en a quelques-unes qui arrivent sur Facebook. Oh, les gens se ruent dans les magasins, il y a des files incroyables et les gens se pètent la gueule même, ils se tabassent pour. Ouais, mais sauf que là-bas, les promotions, laisse tomber, c'est abusé. Ouais, ils font des moins 80%. Ah ouais, non. Eux, c'est des ouf, là. Ah ouais, mais tu te rues avec eux, hein. Mais complètement. Et donc, du coup, ils viennent faire leurs achats de Noël. Et c'est vrai que c'est pas con de faire ça, faire tes achats de Noël ou Black Friday. Mais les gens n'y pensent pas. Ouais, c'est vrai. C'est parce qu'après, du coup, tu sais, ils te font opération spéciale Noël par la suite. Alors, la seconde explication réside dans l'impact comptable des achats de Noël, donc ce que le disait KSR, pour les commerçants qui commençaient à cette période de l'année à remplir leur cahier de compte, non plus à l'encre rouge. Mais à l'encre noire. Ah, mais ça, il a pas dit ça. Mais en fait, il avait expliqué que c'est un peu le bilan. Ouais, il a expliqué le principe de faire une solde géante. Okay, voilà. Pour avoir tes comptes dans le vert. Enfin, pour avoir vendre tes stocks, quoi. C'est ça. Alors que bon, le site ici nous dit en fait que tout simplement, quand tu es en moins, t'es au rouge. Et là, finalement, tu écris à l'encre noire parce que. Et donc, c'est le Black Friday où les magasins savent qu'ils vont avoir des chiffres positifs, quoi. Ça, c'est intéressant, dis-donc. Donc, ouais, ça fait partie des deux hypothèses. Est-ce que tu sais ce qu'est le Green Friday? C'est quoi le Green Friday? Eh bien, c'est une nouvelle mouvance où les gens fument le vendredi. Non, ça, il y en a beaucoup. Okay. Et qui se battent contre le consumérisme du Black Friday. Mm-hmm. Et donc, ils ont créé un mouvement qui s'appelle le Green Friday et qui est contre le Black Friday. Ouais, mais alors, si t'es contre le consumérisme du Black Friday, tu vas être contre le consumérisme de Noël, de Nouvel An, oui, de tout, en fait. J'ai pas dit que j'étais Green Friday. Non, mais j'en parle. Oui, mais les gens, ils aiment bien mettre des slogans, des labels, tout ça. Surtout qu'en plus, pour en parler, tu vois les gens à la télé qui parlent du Green Friday, et qui disent nous, on n'est pas pour la promotion, etc. Sauf qu'ils mettent leur boîte en avant en parlant du Green Friday. Excusez-moi, mais on vous a vu. Moi, la zététique, là, c'est la base. Toi, t'es la pro de la zététique. Ah non, mais c'est la base. Vous savez quoi? On va faire une émission spéciale zététique. C'est le fondement de ma personnalité, c'est quoi. C'est méga, méga intéressant. Non, mais vraiment, c'est méga intéressant. Je reparle vraiment de Sam Buisseret. Je vous invite à aller checker sa chaîne YouTube et tout. On va l'inviter dans l'émission. Le mec, en fait, il donne une théorie. Il donne tous les arguments comme quoi cette théorie est vraie. Donc, il parle de théorie du complot et il essaye de trouver tous les arguments possibles. Non, mais c'est intéressant. Écoute le procédé. Et vraiment, je vous invite à aller mater ça. Il prend tous les éléments. Donc, il prend une théorie du complot que tout le monde a déjà entendu. Genre. D'accord, bien. Et voilà. Il la démonte. Et il essaye de prouver qu'elle est vraie. Ah. Et donc lui, en fait, il se met à la place des gens qui défendent un peu les fake news, qui défendent un peu les théories du complot en disant mais si, mais bien les sûr que si, exactement, oh parce qu'on a tous un pote comme ça qui lui, il te donne des arguments qui limite te font croire. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne plein d'arguments pour que tu croies à la chose qu'il est en train de dire. Et dès que tu te mets à y croire, la deuxième partie de la vidéo, eh ben il démonte et il prouve c'est... comme quoi tout ce qui a été dit avant, c'est un ramassis de conneries. Et il te le prouve avec des preuves. C'est-à-dire, il t'amène des preuves. Il y a des gens qui croient et des gens qui croivent. Et voilà. C'est ça. Exactement. Merci. J'adore la conclusion de Nigel. Elle est parfaite. Elle est extraordinaire parce qu'elle est méga philosophique. Voilà. Si tu penses. Et Sam Buisseret sur YouTube, sa chaîne, le nom de sa chaîne, là, pour que je vous donne vraiment le nom de la chaîne correctement, là, j'essaie de retrouver ça. Parce qu'il a un nom de chaîne qui est précis. Hein. C'est No Fake, je crois, un truc dans le genre. Attends. Sam Busseret. Ouais. Sam Busseret. Alors, c'est Mister Sam, en fait. Voilà, il a changé. C'est Mister ouais. Sam. Comme s'il est noyé dans tous les Mister Sam du monde. Ouais, mais, en fait, c'est monsieur. Vous tapez mr.sam. C'est super facile. Ah, okay. Monsieur.sam. Tout simplement, il a 50 000 abonnés. Et il est belge. Et le mec fait vraiment un travail de ouf. Ses vidéos sont parfois longues. Il y en a des courtes, il y en a des longues. Mais prenez le temps de les regarder. C'est, vous apprenez des choses. Et ça vous permet de concevoir le monde différemment lorsque quelqu'un vous dit quelque chose. Ouais, c'est méga vrai. Intéressant. On a Aloïs qui est là. Allô, Aloïs. Ouais, allô. Yo, Aloïs de la maison. Ça va, Aloïs? Ouais, ça va. Oh, ça va, t'es loin de ton téléphone, Aloïs? Maintenant, ça va comme ça? C'est parfait, Aloïs. Est-ce que la vie est belle, Aloïs? Ouais. Et alors, t'as quel âge, là, aujourd'hui? C'est demain et j'aurai 12 ans. Là, il va avoir 12 ans. Encore une bougie soufflée, encore une année passée. Quoi, t'as dit quoi? C'est un mec? Bah oui, Aloïs. Oh merde. Allez. Mais ça va pas encore changer. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Des graines et des dents pour l'année entière. Beaucoup d'amour et une santé de fer. Un joyeux anniversaire. Eh, bon anniversaire, Aloïs. T'as déjà reçu les cadeaux ou pas encore? Pas encore, c'est dans 2 jours que je fête. Et tu vas recevoir quoi comme cadeau, tu sais déjà? Je sais pas encore, non. Ta maman, elle m'a dit que t'allais recevoir une PS4. Oh, quel connard. Et là, c'est quelqu'un qui dit, je l'ai déjà. Et bon, t'as déjà une console, toi, ou pas? Non, ben, j'en ai, mais pas de PS4, par contre. C'est laquelle? J'ai pas de PS4, genre, j'ai une DS, oui. Bah c'est cool de la Nintendo DS, elle est sympa. T'as aussi un appareil dentaire, Aloïs? Oh non, Nigel! Oh. Team appareil dentaire, ouais! Non, mais en plus, c'est classe, les appareils dentaires de nos jours. Hein. Franchement, c'est pas comme avant. Ah ouais. Avant, c'était des rails de tram, tu vois. Moi, j'ai eu ça aussi. Hein. T'as eu ça aussi? Ah, bah oui, les doubles rails, moi. T'as moi aussi, avec les plaquettes et tout. J'ai là. Même eu, tu sais, les appareils qui sortent de la tête et qui font le tour. Non et qui avaient... si, pour dormir, comme dans les films quand mais tu vois. Mais j'ai vu ça que dans les dessins animés, moi. Moi, j'ai eu ça. Je te jure, je devais dormir. Tu t'accrochais pas parfois, là? Non, mais je kiffais parce que ça pousse sur les dents, ça fait super mal, c'est génial. Ah, t'aimes bien avoir mal sur tes dents. Il y a d'autres moyens pour avoir mal et pour remettre les dents en place, tu vois ce que je veux dire. Ah. Bah quoi, sucer un calipo? Ouais, c'est vous sûr. Vous pensez à quoi d'autre? Non, juste une glace, hein. Oui, voilà. Tu mords dans une glace, rac, c'est fini. Il y avait pas d'autre truc. C'est froid en plus, miam. Alors j'adore parce qu'il y a Sarah qui me dit Vince, moi j'étais en fucking Friday aujourd'hui, pas de thunes. Oh. Non, mais comme je savais que j'allais rater le Black Friday, j'ai donné de l'argent à ma meuf. J'espère qu'elle a pensé à moi quand même. Je suis sûr que non, elle va s'acheter des trucs rien que pour elle, quoi. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Papa est en train de travailler, hein. Dis-moi. Je t'entends pas. Je peux y aller. Où ça? Comme ça. Allez, je commence. Bah vas-y, fais-toi plaisir, hein. Mais casse rien, s'il te plaît, sinon c'est papa qui l'a payé. Ça craint quand même. Bon, les amis, on te fait un gros bisou à Loïs, hein, quand tu veux dans l'émission, ça va? Ouais. Et bon anniversaire! Ciao! Allez, au revoir! Les amis, tout de suite sur Énergie, on va se faire un petit meilleur moment. Un petit meilleur moment sympa. D'abord, on va se faire Calvin Harris avec Promises. Et puis, ça a été demandé là sur le numéro WhatsApp. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il est possible de repasser un check pas ton snap. Alors, ouais, pourquoi pas, on peut se faire plaisir. On a un petit check pas ton snap sympa. Johan qui avait piégé Tracy. Vous savez quoi, ça arrive tout de suite après Calvin Harris. Vince dans la maison! Now they judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing out, energy taking control. said, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur énergie. Johan, c'est parti. Attention, tu peux envoyer la photo à partir de maintenant. Let's go. La photo est en cours d'envoi. C'est bon, la photo est envoyée, ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Nickel. Attention. On appelle en direct et tu dis à ta meuf Tracy, check pas ton snap. On y va. On me demande Vince, c'est quoi ton snap? J'utilise plus trop snap, là, ces temps-ci. C'est Vince Radio. Sinon, si vous voulez, c'est, ouais, c'est Vince Radio, comme pour tout, en fait. Partout. Instagram, Twitter. Ah, je pensais qu'elle avait décroché. Allô? Ouais, allô, V. Pourquoi tu m'appelles en masqué? Je sais pas, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Hein? Dis, t'es connecté sur Snap, là? Non, pourquoi? Non, mais c'est pour te dire, n'y va même pas, s'il te plaît, parce que, n'y va même pas, ne te connecte même pas, ne garde pas le Snap, ça, je me suis trompé, je voulais l'envoyer à mon meilleur pote Josh. Attends, oh, qui est Snap déjà? De quoi tu parles? Non, j'ai voulu envoyer un snap à mon meilleur pote Josh. Et voilà, je l'ai envoyé à toi avec erreur. Et voilà, mais elle ne le regarde pas parce que voilà, bon, je pense que c'est l'envoyé une connerie. Pourquoi je ne devrais pas le regarder? Non, parce que ça ne te regarde pas, c'est tout. Enfin, voilà. Non, je ne le regarde pas. Attends, tu fous ma gueule là. T'inquiète pas que je vais aller voir le snap. Attends, je cherche où j'ai fait. Non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien, c'est une connerie. Arrête, c'est bon. T'as pas besoin de te mêler de ma vie, c'est tout. Oui, pourquoi tu t'énerves comme ça? Bah, parce que t'as pas besoin d'aller le voir, c'est tout. T'as pas besoin d'aller voir le snap, c'est tout. Mais t'inquiète pas que je vais aller le voir, le snap, t'es fou de ma gueule. Ah non, arrête, c'est bon. T'as pas envie de foutre la merde dans le coude, bah arrête tes conneries, c'est bon. Bah, écoute-moi et c'est bon, écoute-moi. Mais écoute, t'inquiète, mais de toute manière, le snap, comment tu veux que je l'évite? T'es con? Bah. Je le verrai quand même. Écoute-moi, si tu sois ensemble. Tu vas pas me foutre en l'air. Ah, tu vas pas me foutre en l'air, une relation comme ça, t'es d'accord avec moi? Attends, c'est quoi ce snap déjà? Attends. Non, mais attends. Mais vas-y, t'es con ou quoi? Non, je m'en fous, je vais voir ce snap. Attends. Mais non, arrête tes conneries. Si, arrête, c'est bon. Arrête. Arrête tes conneries. T'as quoi me cacher là? Ne le regarde pas, mais c'est tout. Quoi, je peux pas avoir des trucs à. Je peux pas avoir des trucs à cacher avec mon pote Josh et ça, c'est bon quoi, laisse-moi ma vie, je fais ma vie, c'est tout, point barre. En fait, tu fais ta vie. Okay. C'est bon, mais je te demande juste de pas regarder le snap. Non, j'en ai rien à faire, je vais le regarder. Écoute, je suis propre, tu casses les couilles. Mais là, arrête de regarder pas, putain. Oui, t'inquiète pas, je vais le regarder, attends, je cherche après là. Quand on va te chercher, bah, j'espère que tu vas pas trouver parce que putain, t'as un patin à regarder, je te jure. La lumière, comment je vais la regarder, tu vas voir. Bah non, c'est tout, ne regarde pas. Pourquoi? Bah tu sais quoi, vas-y, fais ce que tu veux. Tu sais quoi, tu veux foutre la merde? Bah vas-y, regarde-le, mais te casse pas, tu vas foutre la merde entre nous, y'a pas de soucis. Attends, bah t'assumeras les conséquences, ma grande, t'assumeras les conséquences. Tu te fous de ma gueule? Bah toi, je t'ai prévenu, c'est tout. Attends, non, mais voilà, ton bon pas, ton pote. Quoi? Depuis quand on voit ça, ton pote? C'est vraiment moi? Bah ouais, normalement, ton pote aussi. Une erreur avec Laura, là? Ça veut dire que c'est une erreur? Qui, Laura? Quoi, tu vas me dire que le prénom, c'est écrit tout seul, comme ça? Oh, le dictionnaire. C'est bon, c'est une longue histoire, c'est bon. Je voulais que... C'est une longue histoire, ben moi j'ai pris mon temps, t'inquiète pas, raconte-moi. Bah non, c'est tout, ça, c'est avec ta pote... non, c'est rien, c'est bon, laisse tomber. Mais y a pas de laisse tomber, tu te fous de ma gueule ou quoi? tu vois, je t'ai dit pour ouvrir le Snap, tu m'écoutes pas. Tu veux pas m'écouter, ben voilà, t'assumes les conséquences et tout, tu vois ce qui arrive, mais pas m'écouter. Tu vas assumer tes conséquences, mon gars, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Sérieusement. Mais t'as vu ce que t'as envoyé? Moi, tu dois assumer. Mais moi, j'ai pas assumé tes conneries, hein, t'es grand fait, donc maintenant, tu vas m'expliquer c'est qui Laura. Ben, ta pote de l'école, c'est tout. Ah ouais? Et qu'elle est sur Snap et avec son prénom sur ta photo. Mais quoi? Qu'est-ce que son prénom fout sur ta photo à moitié à poil? Tu m'expliques? Bah, je me suis trompé, c'est tout, voilà, c'est bon quoi. Ouais, tu t'es trompé, genre ton clavier a été. Je t'ai prévenu de. Putain, tu m'énerves, je te jure, je vais te frapper. Mais je t'ai prévenu de pas regarder, c'est tout, bah voilà, maintenant t'assumes. J'assume, mais tu te fous de ma gueule, mais t'es vraiment. Mais t'es pas normal. C'est moi qui te rassure. Je suis normal, contrairement à toi, là, que je suis normal. Mais moi je te dis. Moi, tu m'aurais dit pas regarder, j'aurais pas regardé, donc moi, je suis pas si con que ça, tu vois. On y croit, mais vas-y. Je t'ai demandé de pas regarder, tu regardes. Je sais pas, meuf, réfléchis un minimum, je sais pas, ça fait un an et demi que je te connais, je t'ai jamais écrit aussi quand même, franchement. Ah, un an et demi qu'on se connaît seulement. Ah ouais, je vois. Non, qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Ouais, ouais. Trompé, quoi, c'est ouais. Bon, quoi, tu. Quoi. Non, mais t'es vraiment un connard. Et pourquoi? Mais pourquoi? Putain, mais tu te fous vraiment de ma gueule, en fait. Bah, ça va, y'a rien de mal, ça va. Y'a rien de mal, ça y est. Attends, moi aussi, je vais envoyer ça à Josh, on va voir. Enfin, t'es sérieuse ou quoi, toi? Ah, maintenant, c'est à moi que tu en veux? Je suis de ma gueule ou quoi? Attends, t'es sérieuse parce que je fais ça, tu dois faire ça aussi? D'accord. Bébé, c'est bon? Pourquoi je pourrais pas le faire? Tu lui as dit, c'est fini. C'est qui? C'est Laura. Ah ouais? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux? Tu fous de ma gueule, t'es où? Je vais mettre la merde dans votre couple. Ah ouais? Ouais. Déjà, quoi? Putain, je rien, ferme ta gueule parce que toi aussi je vais t'assommer quand je vais te voir. Mais on va pas se voir. Ah ouais, pourquoi? Hein, vas-y, dis-moi. Parce que c'est bon, on emménage là dans un mois. Ouais, t'emménages? Ouais. Ah ouais. Je le prends. Vas-y, ménage avec, bah, salope. Bah. Ouais. Putain, déjà tu te fais prendre par tous les mecs de l'école et maintenant. Non, j'y crois pas. Tu savais pas prendre quelqu'un d'autre que mon mec? Ben non. Non, il fait partie des mecs de l'école, donc il fait partie de tous les mecs de l'école, donc je le prends aussi. Ouais, t'as vraiment une sale pute. Il est bon en plus. Ah ouais, bah, ouais. Profite-en. Ouais, profite-en parce que. C'est ce que je suis en train de faire là. Je peux le garder, ça. Oh. Je vais le frapper. Toute putain de merde. Repasse-le-moi. Ok, tiens. Merci. En fait. Tu te fous vraiment de ma gueule. Donc moi. Ben non. Ben écoute. Mais qu'est-ce que tu fous avec elle? Tu te fous de ma gueule? Ben écoute. Tu vas avec ça, ben attends. Tu vas au magasin, oh ça y est, oh Laura. C'est quoi? Putain. Vas-y, c'est quoi? Va continuer à faire ta Dracula, va continuer à sucer. Vas-y, c'est bon là, vas-y, va. Tu te fous de ma gueule là. Vas-y, casse-toi. Mais non, mais t'as vu, non, Johan, je peux pas. Allô, Tracy. Allô. C'est qui maintenant? Oh, mais écoute, moi, je fais un boulot, moi. Je suis de passage, moi. Je fais que passer. Moi, ouais, j'ai observé la scène et tout. Et Johan, t'es vulgaire quand même, hein. T'exagères. Oh, hein. Ben non, je lui demande de pas regarder, regarde. Ouais, mais on dirait que tu vis le truc comme si c'était. Si t'avais des choses à lui dire, voilà. C'est Laura au fait, mais c'est pas Laura. Ouais, non, c'est pas Laura, elle s'appelle Lara. Et moi je m'appelle Vince, ça va Tracy, je m'appelle Vince en fait. Comme ça tu sais. De quoi? Je m'appelle Vince. Oui, et alors qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ah ok, non, bah, je suis animateur sur Énergie, c'est tout, voilà. Quoi? Je suis animateur sur Énergie. T'es sérieux? Bah oui. Ouais. Vous êtes foutu de ma gueule en fait. Bah oui. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Ah, les moments que vous demandez, eh ben, on va se faire plaisir encore tout à l'heure avec du bébé, je les connais, kiffe ta mère aussi. Lara qui piège Dominique Godambois. Et on a Véronique à la voyante qui va venir. Ah, bah, dans quelques minutes, en fait. Elle sera avec nous sur Énergie. Si vous voulez lui parler, vous envoyez voyance sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. Voici Dossé, habitué sur Énergie. Sera-t-il de tous ces je t'aime que tu me chuchotais? Quand je n'aurai plus le même train de vie, que je serai plus coté. qu'il y aura plus de gaufres, qu'il y aura plus de l'eau, je redeviendrai pauvre. Et que je n'aurai plus que ma dignité qui restera sauve. Pendant des piges, j'ai attendu que ma vie change. Puis j'ai fini par comprendre que c'était elle qui attendait que je change. Combien de sales, combien de mal avant que je me range. Le cœur et le cerveau dans l'eau, ça sont des endroits tellement étranges. Je retournerai à mon père comme les fleuves retournent à la mer. J'en veux au monde et à la tumeur qui l'a mis à terre. Papa est parti, j'ai même pas eu temps de le rendre fier. J'espère que tu me vois et que tu prends soin de mes deux grands-mères. Tout ce que je fais, c'est pour sortir ma famille du piège. Mauvais garçon, toujours absent quand c'est l'heure du prêche. On était jeunes, on se disait refrain jusqu'à la mort. Aujourd'hui c'est toi qui me la souhaites dans tes songes les plus hardcore. Mais je suis habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Il y a des siècles, mes ancêtres bossaient dans les champs. Et aujourd'hui, je claque des grosses sommes sur les champs. Euros sur le compte me donne l'illusion que ça, j'ai chant. La vérité, c'est que l'argent revient aux mêmes gens. Dis-moi ce que je vais laisser à part tous les actes que j'aurais posés. Je veux qu'ils se rappellent de moi comme de celui qui aura tout osé. Bébé, si je pars, sèche vite tes larmes et l'air d'être heureuse. Car ici-bas, aucun homme n'aime les pleureuses. On dit que l'amour est ci, que l'amour est ça, que l'amour est mort. Moi je dis que l'amour est simple et que c'est nos désirs qui font des ordres. Et que les causes ne sont que des conséquences d'autres causes. Faut que la hurle, ça ne rêve que de voir autre chose. Car j'y suis trop habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Dis-moi où t'as mal, je te dirai qui tu es. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Yeah. Je suis habitué, habitué, habitué. Habitué. Habitué sur énergie. Balance ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des notes vocales. Bah oui, comme ça tu vérifies si on est bien en direct ou pas. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, à Fabien qui m'a envoyé une note vocale là. Chocolat, bien, bien, bien. Parfois, on m'envoie des trucs très chelous, hein, il faut le préciser. Notamment. Notamment ça, voilà. Merci Damien, c'est très gentil. Il y a Elias qui veut passer pour la voyance. Vince Steven qui me dit c'est pas en direct. Mais si, mais attendez, je vais le répéter combien de fois? On vous l'envoie en note vocale, on vous le précise, les amis. Que le vendredi, on est là, on est en live. Il y a Lara qui est là, il y a Jim qui est là, il y a Thibaut, il y a Eddy, tout le monde est là. Il est 21h59 et 35 secondes, on a la voyance qui va se passer en direct sur Énergie. Mais le vendredi, il est particulier. Vous demandez à chaque fois s'il est possible de passer des bons moments. Alors du coup, le vendredi, on vous repasse des moments que vous voulez, que vous avez kiffé pendant la semaine et tout ça. Alors dure 5 minutes et puis voilà, et puis on est back. Exactement, on a du tout. Alors, tout à l'heure, on va parler avec un sujet escorte. Hein. On a une demoiselle avec qui est une escort girl qui nous a raconté. elle s'appelle Oksane, qui nous a raconté en fait les pervers sur lesquels elle est tombée. Elle va nous raconter des trucs de ouf pour ceux qui n'ont jamais entendu ça. Ben ça va se passer tout à l'heure sur Énergie. La voyance, ça démarre dans quelques instants. Il y a aucun problème. Et puis Lara qui a piégé Dominique Gonambois, il y a du Je déconne, il y a du Kiff ta mère, enfin bref, il y a plein de trucs pour ce soir là, dans les bons petits moments. Et bien sûr, vos messages là. D'ailleurs, si jamais vous n'avez jamais, et je parle bien et je m'exprime à ceux, je parle surtout à ceux qui n'ont jamais de leur vie envoyé un message à la radio. Vous écoutez l'émission, peut-être depuis un bon moment. Depuis le 27 août, nous avons démarré sur Énergie avec Eddy, Thibault, Lara, Nigel. Et peut-être bien que vous êtes dit, ah oh ouais, mais si j'envoie un message, ils vont pas le lire, ils vont jamais le lire et tout ça. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, si j'en ai croisé quand j'étais à l'Athénée Royal Date. Hein. Ouais, mais Vince, tu lis vraiment les messages en direct? Mais oui, il faut essayer. Donc, je vous donne le numéro de téléphone. Prenez votre téléphone et ajoutez, c'est important d'ajouter le numéro avant vos contacts. Nigel qui regarde avec un regard, on dirait qu'il est fatigué, le pauvre. Non, je te regarde en mode, vas-y, donne-moi le numéro que j'envoie un message. 0492 222 002. Le 0492 222 002. Pour les Français, le 0492 222 002. Et ouais, Nigel. Ajoutez Vince à vos contacts, vous écrivez VINZ. Dès que c'est dans vos contacts, vous allez sur le WhatsApp. Et là-bas, ça y est, vous pouvez tester de nous envoyer un message. Notamment Stitch qui m'envoie une note vocale, lui, vous avez le choix. Écrit, photo, note vocale, c'est comme vous voulez. 222-002. Il a enregistré la radio. Le 0492. Ils sont cons. 222, tu vois, il a enregistré sa radio. 0, 0, 0. Et les gens, ils sont un peu cons. Bah, écoute, bah, arrête tes conneries. À nous, tu réponds pas. Mais si, je te réponds. On répond à tout le monde. Et tu m'as jamais envoyé d'ailleurs ton prénom. Mais c'est pas grave. Je l'ai appelé H. Et entre parenthèses, j'ai écrit Thaïlande parce qu'il a un numéro thaïlandais. Un peu chelou, n'est-ce pas? Ouais. Je te jure, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui m'envoie des messages avec un numéro thaïlandais. Ça, c'est une escorte encore. Très bizarre. Ah, un message de Nigel. Bonne émission, la team. Je vous kiffe vraiment. Et Nigel, je te kiffe encore plus. Bisous, mec. Je te kiffe. Il est mignon. Le meilleur. Oh, il est malin, Nigel. Hey, Norgel, faut arrêter ça. Hein. Ouais, Nigel, il se kiffe. Thomas qui me divine, j'en ai marre d'être célibataire. Une petite dédicace à Je Map. Le message est passé. Dédicace à Je Map dans la maison, là. Ah, tiens, une autre note vocale. Ah, purée, en fait, ça fonctionne vraiment. Je crois que ça fonctionnait pas. Mais du coup, j'envoyais plein de messages sur le WhatsApp. Mais c'est Eddie. Alors, Eddie, faut changer de téléphone parce qu'on t'entend pas bien du tout. Enfin, mais c'est nul. Ah, putain, c'est ouf, ça. Bonsoir de Liège, c'est Loubna qui nous a envoyé ce message. Bonsoir, Loubna. Salut l'équipe. Salut, Loubna. Ça, c'est Loubna, ça. Eh, Marthe, non. Loubna, c'était en message écrit. Ça m'a dit, Vince. Salut Vince, ça va ou comment, biche? C'est quoi ces manières de tarlouse que tu me fais? T'envoies des messages, des vocales et tout, tu réponds pas, ça va pas ça. Mais c'est quoi ton prénom déjà? J'ai besoin de ton prénom. Moi, tout ce que j'ai écrit, c'est H dans ton truc là, parce que tout ce que j'ai trouvé sur ton WhatsApp. Dédicace à mon homme qui joue à FIFA. Message bien passé, tiens. Bon, on continue les messages dans quelques instants sur Énergie, bienvenue. Téléchargez maintenant l'appli Énergie Belgique et retrouvez plus de 15 radios thématiques inspirées par vous. Énergie pour le sport, Énergie Nouveauté, Énergie Relax et beaucoup d'autres comme Énergie Hit 90. Visitez les années 90 et écoutez votre radio musicale thématique Énergie Hits 90 sur l'appli Énergie Belgique et sur énergie.be. Free. le soir. Du lundi au vendredi. Dès 21h. Et sur Énergie. Et bien sûr qu'on est sur Énergie en direct, 22h05, les amis, merci d'être là. Wayline qui m'envoie voyance. Bah justement, on a Véronica qui devait arriver à 22h, mais Véronica est à la bourre. Voilà. Ouais, mais ce sera 22h30, c'est ça. Ouais, mais elle fait trop la star, Véronica. Bravo, Véronica, merci pour le respect, c'est gentil. Je les écoute dans ta voiture, c'est sûr. T'étonnes que je décroche pas tes appels. Tu sais quoi, je vais décrocher aussi avec du retard, tiens, voilà. Véronica, c'est incroyable. On avait lancé le programme pour 22h, madame est pas là. Ah ouais. Et on doit faire quoi maintenant? Bah rien du tout. Je suis sûr que c'est pour la télé, là, t'inquiète pas, elle est dans les temps. Et je sais que t'es en train de nous écouter, Véronica. Ouais, on le sait. Ouais, parce que toi qui vois, qui voyant, t'aurais pu le prévoir ton retard quand même. Ouais, mais ça, elle prévoit jamais rien de toute façon. Ah non, non, là, quand ça la concerne, elle prévoit pas. Là, non, elle prévoit juste quand je vais rater des avions. Ouais. Ça, elle prévoit. C'est bien, c'est qu'on fait de l'humour, tu vas voir, elle va arriver, elle va râler. Elle va dire, non, ouais, mais après, ouais, vous m'avez clashé. Ouais, vous avez dit que je ressemblais à un chic con. On l'a pas dit encore. Maintenant, et puis quand elle va tirer les cartes et qu'elle va dire des trucs extraordinaires, vous êtes là, waouh. Bon, on verra. Ah ouais, mais Véronica. Faut avouer que Véronica, quand même, elle a prédit que Nigel allait rater un voyage et effectivement le lendemain Nigel a raté son vol et le vendredi aussi le mercredi aussi hein. Le pauvre dédicace à mes chacals de Los Maroles Thomas, Vince, tu peux venir à l'APMW de Morlanway, on y travaille mon pote, t'inquiète pas. Émilie qui me dit Vince, dédicace à Vince, mercredi c'est l'anniversaire de mon fils, que je pourrais lui faire un message mercredi s'il te plaît, il faudra me le rappeler mercredi. Je fais une dédicace à mon homme Gary que j'aime plus que tout, et Véronica est bloquée dans les gilets jaunes. Elle est là dans 2 minutes à skip. Elle a répondu, tiens. Vince, je vous ai envoyé une note vocale, vous ne l'avez pas diffusée. Olivier, attends Olivier, parce qu'il y a plein de messages en même temps là. Yo, l'équipe est dans la maison. Et merci. J'espère que vous allez bien l'équipe. Gros bisous à tous. Voilà, je voulais faire un petit point sur l'infotrafic dans la région de Frasne-lès-Couvain. L'infotrafic. Dans les travaux du passage à niveau, les gilets jaunes se sont installés au nouveau rond-point de la locomotive et font un barrage filtrant dans les deux sens de la route. Et des files d'embouteillage se sont créées, mais très importantes. Donc soyez un maximum vigilant au niveau des travaux, car ce n'est pas facile. Mais c'est génial, allez, mais j'adore. Courage à tous et courage aux gilets jaunes aussi. Mais j'adore, mais je pense qu'il doit y avoir. C'est quoi, il doit y avoir chaque jour dans l'émission un auditeur qui nous fait une infotrafic. Comme ça, je prévois une musique d'infotrafic et des trucs dans le genre. Comme ça, c'est gratuit, on doit payer personne. Voilà, en plus, c'est vrai que c'est pratique, on a directement les gens qui font l'infotrafic. Et qui sont sur le terrain. Vous êtes au top, la famille. Amandine, je t'aime. Et merci Gofar, Stitch, gros cœur sur vous, la famille, vous êtes les best. Moi j'écoute pas en cachette. Il se lance. Vince, trop bien, ma femme veut vous parler, son numéro c'est le 0400. Ok Gary, on garde ça, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit Michel? Salut Vince. Salut Michel. J'ai reçu le cadeau, merci. Ah merci à l'énergie. Et merci au cul de Damien, c'est grâce au cul de Damien que j'ai gagné un cadeau. Est-ce que tu imagines? C'est fou, ça. Le cul poilu qui m'a fait gagner un cadeau. Ah, mais j'apprécie quand on me le dit, tiens. Voilà, bah oui, comme quoi Damien. Et d'ailleurs, Damien, il m'a renvoyé une photo hier et on va le faire le jeu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans le cul de Damien? C'est un éditeur, il nous envoie toujours des photos de son derrière et il va falloir deviner ce qu'il y a dans le dash. Merci Michel en tout cas. Envoie-moi une photo de ton cadeau, s'il te plaît, Michel. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Salut Vince. Salut. Continuez, restez comme vous êtes. C'est au top. Ça fait du bien, une petite bouffée d'oxygène comme ça, avant d'aller travailler la nuit. Continuez, vous êtes au top les gars. Hey, merci Pyro, c'est gentil pour ton message, c'est à nouveau. Il y a Giorgio qui est là aussi. Ouais les gars, je viens de terminer de travailler, maintenant je rentre à la maison. Ah bah bon courage mon pote, bon week-end en tout cas. Salut Vince, petit souvenir de la Vince Mobile, malheureusement on t'a pas trouvé ce jour-là, merci de nous donner le sourire tous les soirs après le boulot Anthony. Ouais, hey, Anthony qui a retrouvé une photo où j'avais parqué la Vince Mobile à l'époque. La Vince Mobile c'est une voiture que j'avais fait signer par tout le monde, j'avais rendu mat et les gens pouvaient la signer tranquille, ils avaient juste à venir avec un marqueur. Et hop, on va relancer ça prochainement de toute façon. T'inquiète, je suis collé à ma radio, Tom. Merci Tom, voilà, qui me demandait de faire une dédicace à Renaud, à Arthur aussi. Voilà, message bien passé. Oula, il y a trop de messages, hein, je suis dépassé là. Alors attendez, parce qu'il y a plein de nouveaux là qui arrivent, qui envoient des messages. Ça dit quoi? You're the best. You're the best, thank you very much. Oh. That's very cool from you. Et encore une dernière note vocale que je prends au hasard là, de quelqu'un, c'est parti. Ouais, moi aussi j'ai reçu mon cadeau. Ah. Et j'en entends encore un deuxième, merci l'équipe. Ah la bon saison 4 de Game of Thrones, c'est une dinguerie. Oh joli ça, il a eu le paquet de jeux Game of Thrones. Ah cool. Et ben bravo Anthony, respect mon pote, respect, c'est énorme ça. Allez, tout de suite on va se faire Panic à de disco avec I Hope sur Énergie. Lara qui a piégé Dominique, et ben ça se passe dans quelques instants aussi. Ouais. Et Véronique à la voyante qui va prendre place ce soir. On a une auditrice aussi, elle veut passer pour chanter. Ouais. Et elle a besoin de conseils aussi pourquoi pas se lancer dans la musique. Lara qui fait de la musique aussi, elle pourra peut-être donner des conseils, hein, on ne sait jamais. Pas de soucis. Alors c'est spécial, elle m'a envoyé, je crois pas qu'elle m'a envoyé la meilleure version des versions qu'elle pouvait m'envoyer. Moi aussi je suis producteur de musique, je vais pouvoir dire directement si elle va percer ou pas. C'est ce que nous allons voir sur Energy. Allez, c'est parti. Panique à des discos avec High Hopes. Soyez les bienvenus sur Energy, Steve Gomez est là aussi. Un gros bisou à Stéphanie là qui nous envoyait plein de cœurs sur le WhatsApp 0492 222 002. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Allez, bon courage Lara. Mais on coupe nos micros, nous. La musique. Voilà, t'inquiète pas. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Dominique, hein. Dominique. Que ce chef vous appelle de la part de mon beau-frère. Que se dit que. Carmela, ¿es ese Carmela? Soy Carmela y se te apel porque el beau-frère me dijo que tú cherches le boss la bois. Ah, ouais, no, no soy chef de bois. ¿Es ese que me ha dicho? ¿Cómo se marcha? Ah, bah, no, je explique, Carmela. Nous, on est des vide-greniers, mais on s'occupe principalement de tout ce qui est bois de pérampis. Donc, toi, t'as un maison. De Perampis. ¿En maison? ¿Quoi? De Perampis. Yo no sé, comprendo, ¿eh? ¿Estás extranjero? Sí, claro que sí. ¿Ah, tú hablas francés, tú? Tu m'entends, je parle français un petit peu, mais voilà. C'est mon beau-frère, ouais, qui a dit que tu cherchais les bois. Sí, sí, yo comprendo, bien sûr. Si je n'ai pas compris, parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Soraya, allez. Si, change de string. C'est pas le bon, tu sais bien. En fait, toi, tu me dis où elle est ta baraque, elle ouvre, elle sera. D'accord. Moi, tu viens, je prends tout ce qu'il y a bois, quoi, toi. Ici, il y a beaucoup de bois, parce que j'ai les acachouches. L'acachouche de Cuba. L'acachouche? Acachouche de Cuba, tu connais, c'est la bois la plus chère du monde. Eh, j'espère que vous n'êtes pas des gitans, hein, parce que moi, je viens pas. Qu'est-ce que tu as contre les gitans? T'es un gitan, toi? T'es une roumaine? Non, je suis pas roumaine. Ah non, j'ai rien contre eux, mais hey, ils me prennent pour un éboueur, hein, pour venir vider leur crasse dans leur bordel. Non, ce n'est pas la crasse ici, c'est le très bon bois et il a été lustré pendant des années. Ah, ouais. Lustré de haut en bas. C'est une maison, toi? C'est quoi ça? C'est une maison? Une maison un peu close, mais avec beaucoup de bois. Ah, il y a beaucoup de bois là, si, chez toi. Si, claro. Mais qu'est-ce qu'il y a de bois ici? Mais beaucoup, beaucoup en fait, les bars sont tombés parce qu'il y en a eu des grosses qui sont venues faire du pole dance l'autre fois. C'était des Albanaises avec des énormes boules. Ils ont fait la danse et tout, et ça tombait. Mais c'est, tu sais, ici, c'est la tradition. Parce que c'est pas les bars que tu vois sur Amazon. C'est pas les bars à Saint-Coro qui tombent, ouais, qui t'a fait les vidéos sur Instagram. Carmelon. C'est intéressant tout ce que tu racontes. Hein. Enfin, j'ai du poids. Hein. Ben, j'ai autour après. Non, j'ai vraiment besoin que tu viennes chercher. J'ai au moins. Attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que Raimundo m'a dit l'autre jour? 45 mètres cubes de bois d'acajou. Regarde sur Google pour voir le prix. Le bois d'acajou? Si. Acajou de Cuba. Et pourquoi tu veux le jeter? Parce qu'il a abîmé. Il l'a jeté par terre. Ah, je ne peux plus le remonter. C'est des petits. Tu sais quand tu mets. Moi, je prends ça. Hein? Si. Moi, je... Alors, tu vas venir chercher tout ça avec une remorque. Ouais, ou un conteneur. Tu as besoin de conteneur. C'est mon beau pote. Ouais, ouais. Et tu as pour combien de kilos là, de bois d'acajou? C'est 45 mètres cubes. Mètres cubes. C'est... 45 Et le bois, il est très beau. Il a été lustré pendant des années parce que les filles sont montées et descendues pendant des années dessous. Il est brillant, tu ne peux pas savoir. Ah ben bah écoute, Carmela, on va faire affaire. Hein. Je te donne tout gratis. Ça me pose, hein. Si tu vas venir, d'abord tu dois croiser Raimundo parce que c'est lui. J'allais avoir de la chance aujourd'hui. Bah, c'est clair. Et moi je viens. Mais t'habites où maintenant? C'est ça la question. J'habite près de la Habana. Ah, je dois m'organiser, ça, je ne sais pas où c'est. La Habana. La Habana. À Charleroi? C'est pas très loin, mais c'est la Habana. La Habana. Mais je ne comprends pas ta voix. La Habana. Oh, calme, hein. Con un ha. Hey, c'est en Belgique. C'est pas loin, la Belgique. C'est Habana. C'est pas le bar, la Habana. Hein. C'est la Habana. La Habana. Habana. Je ne connais pas. Habana. Habana. Habana. Tu connais pas? Ça couvre un temps de terrain, ça. Ça à peu près 7 heures. Après, si tu prends le bateau, ça peut prendre 2-3 semaines. Mais c'est pour ça, prends le conteneur, comme ça tu prends tout. Parce qu'on m'a renseigné l'autre fois, notre gars, mais il n'a pas voulu tout prendre. Je te veux toi, Dominique. Oh, c'est le bague, là. Carmela, tu ne peux pas une blague. Écoute, arrête, je dois prendre mon service dans 30 minutes, je n'ai pas les blagues, je n'ai pas le temps ici. Ben, oui, je sais. Tu prends ou tu ne prends pas que... Il y en a au moins pour 100 000 $ par chose ici. Écoute, je prends, mais pour savoir que je prends, tu dois me dire où ça, moi, j'ai tout fait. La Havana. C'est où ça, Havana? C'est à Cuba, claro. La Cuba. Mais c'est dans quel pays? Ça, c'est la Belgique, oui. Cuba. À Cuba. À Cuba. Eh, t'as pas tombé sur ta tête, toi? Mais Raimundo m'a donné ton appel et il t'a dit qu'il te connaissait, que tu étais déjà venu. Hey, tu te fous de moi, là? C'est une blague, là? Arrête un petit peu, Dominique, je n'ai pas le temps. Je suis une femme de 60 ans ici. Je n'ai pas le temps de rigoler. J'ai du bois, je ne peux pas faire travailler les filles. Moi, le plus loin que j'ai été, c'est à Bruxelles. Tu sais quoi? Je te paye les billets d'avion. Je te paye les billets d'avion, tu viens chercher tout. Et tu sais ce que tu vas trouver aussi? Mais prends... Attends, chérie, écoute-moi. Comment tu veux que je ramène le bois? Mais il y aura les containers. Tu prends les bateaux, les paquebots et tu reviens à Bruges. Non, moi, je fais ça en noir. Hein. Et moi, je suis une petite organisation. Mais c'est pas grave, Raimundo, il va t'aider. Il fait passer beaucoup de cocaïne aussi. Hein. Et il connaît toutes les... Écoute. Je touche pas, maman. Raccroche. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Si tu veux, tu prends le premier conteneur avec le bois. Le deuxième, tu le gardes vide. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas venir, j'ai aussi une petite chose dans ma cave. Avec des choses très importantes, c'est aussi du bois. Mais c'est que les filles ont utilisé ça quand elles faisaient les striptease personnelles solo. Tu vois quand les filles vont dans la chambre tout seul avec les infos de putains. Ça vie est marrante, tout ce que tu veux, ça m'intéresse à moitié ce que tu dis. Maman, voilà, moi je pense que c'est en Belgique. Ils sont utilisés, écoute chérie, querido, écoute-moi. Ils sont déjà utilisés, mais tu vas pouvoir vendre ça, peut-être en Chine, peut-être sur Amazon. C'est des petites choses comme ça, avec des tailles différentes. Que tu peux les, si tu veux, tu peux les faire un petit copeau, tout mais ça. Tu fais... Là, j'ai pas envie d'être impoli, j'ai pas envie de raccrocher, t'es gentil, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais moi, je suis pas intéressé. Hein? Écoute, chérie, tu sais ce qu'il y a dans cette cave? Des choses très importantes, peut-être tu peux donner ça à ta sœur, à ta belle-mère, à ta cousine, à ta fille. C'est des... Et ça, des godasses de bossos. Quoi? C'est des godasses de bossos. À

Qu'est-ce que j'escucho ici, là? Et j'adore parce qu'on me demande l'arrêt de l'espagnol parce qu'elle a un vrai accent. Cuidado que je ne suis pas espagnol, mais il n'y a pas de problème. Hein. Mais tu parles espagnol? Un poquito, claro que sí. He practicado l'espagnol en el colegio. Oh, pas durante mal, au collège. Sí, durante dos años. Et pendant combien? Deux années. En deux ans, t'as raté? Sí, solamente. Sérieux, et moi j'ai plus... fait six ans d'espagnol, je gère que dalle, quoi. Tout ce que je dis, c'est hola, ¿qué tal? Bien et tout. Ouais, c'est tout ce que je sais dire. On nous dit quoi, là? Oula, la note vocale de l'extrême là. Ah, il se marre. Ah, ouais, c'est quelqu'un qui se marre. Ouais, en fait, il nous a écrit Vince, vous avez tué les gens, on est dead. Ah, oh, j'adore. Ça fait plaisir des messages, des notes vocales comme ça là. Arrogance. Et merci pour tous ceux qui ont envoyé 22h22. Hein, vous connaissez les choses. Hein. 22h22 plus 3 minutes, ouais, parce que quand j'ai diffusé ça, voilà, l'heure avait un petit peu avancé quand même. Hein. Vince, pourquoi vous passez pas Zoom de Sopra? Je suis trop fan de Sopra. Ça ferait plaisir que tu la passes. Alors, on la passe de temps en temps sur Énergie. Je demandais effectivement à la pro qu'on nous le mette un petit peu plus le soir. Et dites-vous un truc, c'est que déjà, je l'ai prévu dans ma playlist de ce soir pour Extravadance entre minuit et 1h. Donc voilà, bon, maintenant si t'es pas sûr d'attendre entre minuit et 1h, ça ferait plaisir quand même. Hein. En attendant, et les amis, elle vient d'arriver sur Énergie, Véronica Lavoyante, mesdames et messieurs. Ouais, Véronica est dans la maison. Ça va, Véronica? Oui, enfin arrivée. Ah, mais t'es temps, t'as fait la route de Toulouse. Oui. T'as vu comme elle est belle? Oui, en fait, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à tu sais, aux méchantes dans les séries des années un peu 80-90, comme ça, genre dans Dallas et tout. Non, mais le style, hein. Mais t'as vu, elle a changé de couleur de cheveux, tout ça, je sais pas. En fait, Véronica, je la vanne à chaque fois par rapport à ça. Parce que depuis que je la connais, elle a fait blonde. Ah, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, ouais. Elle a fait rousse, elle a fait brune, non, elle a rousse, fait. C'est sa première fois. Non, je t'ai déjà vu avec des mèches rouges ou des trucs dans le genre. Non, c'était pas ouais, des mèches rouges. Pour les gars, quand ils disent rouge, ouais, ça peut être bon. Auburn. Voilà, c'est ça, Auburn. Tu vois, les gars, ils ont du mal avec les lignes. Exactement. Non, mais Véronica, tu sais, franchement, tu peux la rencontrer, la côtoyer pendant quelques mois. Et puis elle change de style, tu ne la reconnais plus du ouais, tout. Ouais, c'est une autre meuf. Vraiment, mais complètement. Parce qu'elle se voit dans le turfu. Je vais tenter de vous montrer ça sur Instagram. Voilà, mais en tout cas sur son Facebook. C'est quoi ton Facebook? Parce que tu m'as encore fait une demande d'ajout avec un autre Facebook là. Mais c'est pas vrai. Mais si. Mais si, j'ai encore un autre truc qui m'a demandé un ajout de toi là. C'est quoi là? Mais non. Mais t'as créé un nouveau compte de quelque chose, une nouvelle page. Mais jamais de la vie, j'en ai déjà trois, c'est bon. C'est ça qui me semblait. J'essaie de les supprimer en plus. Et t'arrives pas à les supprimer? Mais non, je comprends pas. Ah, publie des musiques avec. Voilà, publie des vidéos de musique, tu vas te faire supprimer saute. Direct. Exactement, là. Ah, bien vu. Bon, Véronica, est-ce que t'es prête pour la voyance de ce soir? Oui, super prête. Ah, splendide, parce qu'il y a plein de gens qui veulent parler avec toi, hein. Je tiens à préciser quand j'ai même. J'ai ramené des cadeaux. Hein. Arrête, oui, toi 15%. Mais, 15 euros. Ah, 15 euros. Non, mais 15 euros, ouais. T'as ramené quoi, franchement, comme cadeau? Non, mais j'ai ramené 15 pour les auditeurs. Ouais. Ah, pour les auditeurs? Mais bien sûr. Ah, ouais, mais... c'est des bons de réduction. Oui. Oh là là, encore quelqu'un avec un code promo, là. Quoi? C'est un cadeau, hein. Ça fait plaisir. T'as des codes c'est promo, il y en a des tonnes à donner. Mais c'est quoi les codes promo? Parce qu'on peut pas tout donner à l'antenne. Ouais, c'est vrai, attends. Non, mais il faut contacter Véronica, avoir une séance avec elle, elle te fait une réduction. C'est ça, parce que code promo, nous, on peut pas faire ce qu'on veut. Attention. Un voucher. Un voucher. Un voucher. D'accord. Un voucher. Bah, vous sur ce, je vais me boucher. Excellent. Ah, c'est bon, ça. Extraordinaire. En attendant, Véronica, est-ce que tu es prête pour avoir tes premiers auditeurs de ce soir? On y va. Ah, bah, c'est en quelques minutes. Hein. Laissez le temps, bien sûr, de passer la publicité, parce que sinon, nous, on n'est pas payé. Tu vois, ça fait partie du délire. Hein. Et vous allez choisir, les amis, ce que vous voulez écouter après. Vous avez le choix. Dites-moi quoi sur WhatsApp. Vous avez le choix entre le Kiff ta mère, le bébé j'ai déconné, ou alors la fameuse histoire avec l'escort girl qui s'appelle Oxane, qui est passée à l'antenne nous raconter toutes ces histoires avec les pervers qu'elle a pu rencontrer. Elle va nous parler du nursing que j'ai découvert dans l'émission. C'est un truc hyper chelou, ouais. Exactement, donc quel meilleur moment vous voulez réécouter? Venez nous dire quoi. Je salue Wayline et Anaïs qui sont connectés, qui m'ont envoyé Yo Vince, à Steven qui me dit Steven est dans la maison. Et Giuseppe pas aussi. Ah, Véronica, tu t'es fait attendre, hein, putain. Ah bah ouais, complètement, merci de le préciser. André Bruno aussi, elle a une belle voix quand elle chante. Non, merci. Totalement. Et pas que quand elle chante. Ça, c'est sûr et certain. Là. Vince, aujourd'hui, c'est mon anif, appelle-moi, s'il te plaît, je veux faire une dédicace. Bah, on doit te dédicacer pour ton anniversaire, Zach, normalement, là. Corentin me dit escort, oui, me dit escort, Vin, je veux l'escort. Stéphanie me dit escort. Il y en a plein aussi qui redemandent le moment avec Charisma. Charisma, c'était toi, Charisma? Voilà, c'était à quel moment que t'avais intervenu, toi? C'était un bébé, j'ai déconné. Ah, mais lequel? C'est noté normalement. Ah bon? Ouais, c'est noté, ouais. Ah ouais, avec Charisma, grave. Mais comment il se sauce lui-même? Non, mais c'est vrai, mais genre, saucer, lui. J'ai reçu plein de messages sur Insta. Ah. Ben moi aussi. Émilie me dit bébé, dit. J'ai déconné. Najat me dit le kiff ta mère, s'il te plaît, Vince. Moon, c'est dans la maison, je te kiffe. Lara Corazon. Lara, franchement, tu m'as fait péter de rire. Respect, bisous à toi. Non, merci. Oh, bah, suis-moi c'était sur... pas mal. Super, bah, suis-moi sur Instagram, Adlara Belle Rose. Pour me montrer de l'amour. On doit encore dire Adlara Belle Rose. Non, il faut taper Adlara Belle Rose direct. Hein. J'en sais rien. Lara Belle Rose, mais vraiment, c'est vraiment son nom. Hein, parce que là, qui me disent, ouais, Vince Belle Rose, écoute et tout, c'est quoi non, c'est oh, vraiment bah, son oui, nom. On fait des Lara et on fait des vêtements. Yo, Vince, on fait des Lara et on fait des vêtements. Ouais, c'est une marque. Ah, Belle Rose, c'est une marque, j'ignorais. Ouais, je à Place Stéphanie, il y a un truc genre un grand immeuble avec un grand Belle Rose dessus. Ah, d'accord. Ouais, c'est la famille. Yo, ouais. Vince, je suis nouveau sur le WhatsApp. Comment ça va l'équipe? Bienvenue au nouveau de qui est dans la maison sur Énergie. Alors, je vais essayer de gratter ton prénom. Tu t'appelles Thomas. Eh ben, bienvenue, Thomas. Bien, les gars. Ben, bien, et toi, mon pote. Là, premier message qui est arrivé là sur le 0492 222 002 de la part de Nifk. Voilà, Nifk. Nifk. N-I-F-K. Nifk. Nifk, ta mère. Ah, Emilie, elle veut absolument le budget. Je les connais avec charisme, tiens. Et Paul qui me dit salut Vince, je viens d'arriver. J'adore. Bah, j'espère bien que t'adores. Josué qui est là aussi. Et mais elle rigole comme à Looney Tunes. Ouais, Lara, elle fait. Oh mon dieu. Oh my god. Oh, c'est. Ah oui, c'est précis. Hein. Sérieux, Vince, rien d'autre que l'escorte. Bon, on verra. Vous avez le choix. De toute façon, on a encore pas mal de petits moments à passer tranquille. On a le Malika qui est dans le standard. Salut Malika. Salut. Yo Malika dans la maison. Ouais. Ça va Malika? Ça va, ça peut aller mieux, mais ça va. Ah Malika, tu vas pouvoir parler avec Véronica dans quelques instants. D'abord, on va se faire dîner avec In My Mind. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as toutes tes questions qui sont claires dans ta tête? Claire, je sais pas. Ouais, ah. Mais tu dois en avoir que une. Attention. Et pas trop dire. Hein. Une question et ouais. On est d'accord, Véronica, il faut donner un minimum d'infos sur soi. Tout à fait. Voilà, en quasiment juste... rien en fait. Le pas... thème. Voilà, juste le thème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le thème, c'est autour de quoi, Malika? Avenir professionnel. Avenir professionnel. Excellent. Est-ce que elle peut clairement poser sa question? On se fait d'inoro et on revient juste après avec la réponse. C'est possible, oui, Véronica? Oui, bien sûr. Ah, formidable. Oui. Malika, vas-y, pose ta question oui. À Véronica. Bonsoir, Véronica. Oui, bonsoir, Malika. Ah, je voulais savoir, est-ce que je vais retrouver vite du travail ou pas du tout. Ok, je vais regarder. Allez, merci, passe une bonne soirée, ciao. Elle va... Donc, est-ce qu'elle va trouver du travail? Elle n'a rien donné d'autre comme info. Et Véronica est en train de battre ses cartes, qui s'appelle Mademoiselle dans Le Normand. Bravo. Ah oui, et dans mon domaine, en fait. Ah, mais en tout cas, attention, il ne faut pas donner ton domaine. D'accord. Est-ce qu'elle va trouver du travail dans son domaine, Véronica? Et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite après ceci sur Énergie. Vince, 21h minuit sur Énergie. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. C'est qui ce matin? Kevin de Waterloo. Kevin de Waterloo. Un souci, normalement, avec Kevin, c'est Liège à Charleroi, non? Non, Kevin de Waterloo, c'est Kevin qui a réussi. Le 6-9 sur Énergie, lundi. Lundi, dès 6h. I miss you, pushing me close to the edge. I miss you. I wish I knew what I had when I left. I miss you. You said fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone. Yeah, I want you to fuck up my nights. Yeah, fuck up my nights. Yeah, all of my nights. Yeah, I want you to bring it all on. If you make it all wrong, that'll make it all right. Yeah, I want you to rule my life. You to rule my life. You to rule my life. I miss you. I know you missing me too, like you should. I miss you. You set fire to my world, couldn't handle the heat. Now I'm sleeping alone, and I'm starting to freeze. Baby, come bring me air, let it rain over me. Baby, come back to me. Baby, come. I want you to fuck my nights, yeah, fuck my nights, yeah.

Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Alors, je fais une grosse dédicace à l'amour de ma vie avec qui j'ai passé une excellente journée mercredi. Je te remercie, même si on l'a fêté à l'avance. Je te remercie. Je te fais plein de gros bisous, mon amour. Je t'aime. Tu vas le reconnaître. Je t'aime de tout mon cœur. Gros bisous. Et merci pour mercredi. C'était une journée exceptionnelle que j'oublierai jamais. Gros bisous, mon amour. Waouh, le message de Zach, là, énorme. Et en plus, Zach, ce qui est super cool, c'est qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et bien sûr, pour que tu aies tout bon pour une année de voilà d'enfer. Ouais, bisous, Zach. On a dû aller voir sur Google. Ouais, parce qu'on savait pas ce qu'il disait à un moment donné. Que t'es tout bon. Voilà, moi je pensais oh que t'es tout beau. Ouais, on et coucou à Chiara également là. Hello Vin, je voulais demander si je pouvais passer aujourd'hui à la voix antenne et bonne émission là. Chiara, bah écoute, ouais, négocie avec Eddie et Thibault là, c'est eux qui ont contrôlé WhatsApp également, tout comme moi. On récupère Malika dans le standard. Allô Malika. Allô. Oui. Oh, Malika est dans la maison. Formidable. Malika, écoute, oui. Nous avons Véronica qui est avec toi. Tu as posé une question à Véronica. Et Véronica, bah, lorsque le délai d'attente est trop long, bah, Véronica nous fait ses petits chichis. Et donc, du coup, pardon, je vais la mettre avec le micro, c'est plus facile. Bien. Voilà. Et donc, du coup, bah, Véronica, t'as besoin qu'elle te réexplique la question et que tu refasses les cartes parce qu'en fait, tu perds l'énergie, c'est ça? Non, mais je perds sa voix, en fait. Donc, tu l'as gardé la voix en tête? Oui. Ah, c'est particulier, ça. Oui, je garde sa voix. En fait, je travaille avec les voix et les pensées. Ah bon? Oui. Oh. Donc okay. C'est pour ça que je voulais réécouter en fait la voix de Malika. Eh ben voilà, tu réentends Malika. Est-ce qu'elle doit reposer la question? Tu vas refaire les cartes ou pas? Oh, elle peut me parler, il n'y a pas de souci. Elle super. Peut me reposer la question, il n'y a aucun souci. En fait, je voulais savoir quel est mon avenir professionnel. Donc si j'allais retrouver du travail. Attention. Ah, dans son domaine, dans voilà. Dans mon domaine. Alors, ce que j'avais regardé, ce qui ressort pour la troisième fois, parce que j'ai déjà regardé deux fois, Malika, ta part de travail, elle a été brutale. Pour moi, oui. Oui, parce que tu t'y attendais pas. Parce que je vois vraiment que c'était, c'était vraiment, comment on dit ça? Oui, c'était brutal, c'était vraiment pas, c'était assez tranchant, comme ça. Oui. Alors, est-ce que tu travailles avec des jeunes personnes, Malika? En fait, le truc, c'est que j'avais vraiment, quand j'ai fait les cartes, enfin, deux fois, j'avais du monde, j'avais un grand bâtiment avec du monde, j'avais des documents, mais j'avais des jeunes personnes aussi. Donc, alors, je me suis un peu confondue dans le truc. Donc, je ne sais pas exactement vraiment dans quoi tu es. En fait... Moi, je recherche des jobs comme employé administratif. Donc, c'est pour ça que je voyais les documents. Okay. Ah, ok. Tu travaillais avec des jeunes personnes. En fait, j'avais vraiment le grand bâtiment. J'avais elle dit oui. Ah, ben c'est pour ça. Dans quoi tu travaillais, Malika? Oui, explique un peu. Oui, je travaille avec des jeunes personnes, oui. Wow. Okay. Véronica, précision, de plus en plus précise, Véronica, c'est incroyable. Hein. Bon, maintenant les documents, il y en a dans tous les métiers, hein. Faut le préciser. Oui, mais pas chez coiffeuse, hein. Excuse-moi. Bah, si, bien sûr, t'as ta fiscalité à faire et tout. Elle est dans l'administratif, elle. Oui, enfin, d'accord. C'est vrai que c'est vraiment les documents. On est d'accord. Ok, très bien. N'essaye pas. Ouais. Et parfois, tu sais, je suis un petit peu le côté zététique de cette émission. Je dois remettre en question Véronica. C'est mon rôle un petit peu. Je sais. Même si elle nous éblouit et qu'elle nous ébrahit. Vas-y, continue. Alors. Donc, Malika, en fait, pour l'instant, je vois que tu vas quand même prendre des décisions, d'accord? Là, je te vois un peu bloquée par rapport à tes décisions, que tu as ton avancement, tu es un peu perdu, tu t'y attendais pas. Puis, il y a eu des divergences d'opinion aussi. Et on dirait que tu en as fait quand même une petite déprime, tu vois, par rapport à ça. Petite, oui. Oui, bon, pour pas dire, voilà. Mais voilà, tu as besoin de remonter la pente, d'accord? Oui. Moi, je vois que tu vas reprendre dans du boulot, mais ce ne sera pas dans l'administratif, d'accord? Je vois toujours des jeunes personnes, mais je ne le vois pas avant le printemps. Par contre, tu dois avancer et il y a quand même plusieurs choses dans plusieurs domaines que tu dois régler. D'accord. Parce que ça a été un peu crescendo dans ta vie, hein. Donc, il y a eu le professionnel, il y a eu un peu l'affectif, il y a eu un peu l'entourage. Donc, je vois vraiment que tout, c'est un peu... Enfin, quand quelque chose arrive, il y a la suite qui arrive aussi. Ouais. Donc, rien n'arrive pour rien. Donc, oh my God. Est-ce que tu te vois dans ce que je suis en train de te dire? Oui, oui. Tout à fait. Oui. Donc voilà. Et juste une chose, voilà, je vois aussi que tu dors pas bien du tout. Oui, ça c'est. J'ai énormément de. Bravo. Oui, de. Où tu te réveilles souvent, où tu as du mal à t'endormir, mais j'ai un sommeil complètement déstabilisé, quoi. Mm-hmm. Oui. Mais donc, si tu ne sais pas dormir, écoute Vin sur Énergie tous les soirs. Ça veut dire quoi, ça? Jusqu'à la fin. Ah, merci Malika. Bon, bien sûr, ce n'est pas l'émission qu'il faut écouter pour réussir à s'endormir. Vince, hein. Premier sur les insomniaques. Ouais, ça t'imagine, les gens, ils écoutent, en fait, ils disent ah, je t'écoute Vince pour pouvoir m'endormir. Oh merde, putain. Non, j'écoute jusqu'à la fin et puis après, je lis un bouquin et puis je m'endormir. Génial. Malika, tu écoutes du début jusqu'à la fin, toi? Oui. Waouh! Ah ouais, si jamais t'as le 3h, quoi, 3h30, et si jamais t'as le SIM qui t'appelle, tu dis bien que t'écoutes du début à la fin. C'est bon pour notre durée d'écoute, hein. Voilà, on ne sait jamais. Bah quoi? Bah, ça veut dire qu'elle dit la vérité, tout simplement. Vas-y, on continue. Continue, on t'écoute. Et donc voilà, je voulais juste dire à Malika que par rapport à son nouveau contrat, ce ne sera pas avant le printemps. Mais elle a un travail sur soi à faire. Elle sait. Oui. Elle sait de quoi je parle, donc elle voit la situation. Mais pour moi, ça ira. Mais pas avant le printemps, malheureusement. Ok. Mais bon, c'est pas dans. Enfin. Bah, le printemps, c'est bientôt, hein, le printemps. C'est le 21 mars. Et ben en tout cas, Malika, on te souhaite bonne chance. Et n'oublie pas, attention, c'est important. Comme beaucoup d'éditeurs, parce qu'on vous parlait avec Véronica, quand il y a du changement dans votre vie, qu'il s'est passé quelque chose, notamment Nigel, Véronica lui a dit avant la Toussaint, je vois un voyage qui Halloween. Va être annulé. Halloween, voilà, Halloween. Oui, à Toussaint. C'est les vacances de Toussaint, hein, mais c'est la soirée Halloween, effectivement. Elle disait à Nigel, je vois un voyage qui va être annulé. Ouais. Et c'est retardé dingue. Retardé ou annulé. Elle ignorait que Nigel avait un avion de prévu. Alors nous, on a feinté autour en disant, ah ben, Nigel, on te précise qui part en vacances, et ben effectivement son avion a été annulé deux fois. Il n'a pas pu partir. Et d'ailleurs, il y a aussi eu un auditeur qui était passé à l'antenne pour nous dire ouais, c'est ouf ce qui s'est passé. C'était une demoiselle. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je vois sa maman qui prend le même avion mardi avec moi. En plus de ça. Oui. Non, mais toi, t'es vraiment satin. Non, mais c'est dingue, c'est dingue. Véronica, excuse-moi, Malika, tiens-nous au courant si jamais il y a du changement du côté du printemps ou pas, mais en tout cas, si jamais Véronica vraiment des pouvoirs magiques. Ouais. Je voudrais tout ça. Eh ben, splendide. Et eh ben, en tout cas, je te le souhaite. Je t'embrasse, Malika. Bisous, Malika. Merci beaucoup, au revoir. Bisous. Au revoir. Elle va dormir. Allez, c'est bien. Oh, elle a essayé. Bisous, Malika. Faire, trop mignonne. C'est mignon, là. Et on a Laurent qui est là. Salut, Laurent. Moi, oui, bonjour. Yo, Laurent, dans la maison. Ah oui, bonjour. C'est Laurent qui est venu faire des photos de nous dans l'émission, là, l'éditeur. Oui. Non, mais lui, fort, c'est vas-y, enlève. Allez, non, Laurent, reste là. Laurent, je l'avais promis, était venu, il m'avait demandé s'il pouvait parler avec Véronica. Ben, Laurent, nous y sommes enfin. Comment vas-tu, Laurent? Très bien, et vous? Écoute, ça va, on va bien. Ça allait bien jusque quand tu sois à l'antenne. Si vous voulez parler avec Véronica, vous envoyez voyance, les amis, hein, sur le WhatsApp 0492 222 002. Il y a quelques petites notes vocales qui sont arrivées bien sympathiquement. Là, on me dit. C'est dans la maison. Merci, Mathéo, c'est gentil. C'est bon. Et Dorine qui m'a aussi envoyé une note vocale. Elle dit quoi? Elle nous dit rien, Dorine. Elle a raté sa note vocale. Ça va, il y a une note vocale ratée sur 1000, donc ça va, c'est encore cool. Laurent. Véronica t'écoute, pose ta question sans donner trop d'infos, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir Véronica. En fait, c'est comme le défi d'avant, si dans le futur, professionnellement, je vais réussir ou pas. Donc, okay. Ce que tu nous as envoyé, je ne sais pas trop ça. Alors, tu veux voir sur un nouveau boulot ou sur ce que tu fais actuellement? Je rigole avec lui. Ouais, sur ce que je fais en ce moment. D'accord. Alors. Laurent, tu travailles le soir ou des fois tu as des travails de... Ça dépend. Oui, des fois tu travailles le soir. C'est très rare. Ok, mais des fois. Oui. Ok. Ok. Elle fait les cartes. Mais ça va pas ou quoi? Sortez-le, s'il vous plaît. Oh. Alors. Bon, il y a quand même pas mal de changements à venir par rapport aux professionnels. Et j'ai l'impression qu'au niveau du boulot, pour moi, tu restes pas là. Alors, soit ils vont faire un grand changement au niveau du travail, style de bâtiment ou de hiérarchie. De hiérarchie, hein. Arrête. Oui. Je peux pas trop à dire, mais je suis pas du tout manuel en fait. Non, tu n'as pas compris. En fait, j'ai dit par rapport à au bâtiment de boulot, oui. D'accord. Ah, oui. Ok. Pour moi, il va avoir un grand changement. Alors, soit c'est des patrons ou les chefs, etc., des choses comme ça, qui vont changer. Ok. Niveau hiérarchie, donc supérieur. D'accord. Pour moi, je te vois pas rester dans ce boulot. Ah. Ok. Parce que j'ai une fin de contrat par rapport à ce travail. Dû à ce changement. Non. Ah. Non, je te le dis que ça va se passer. Je te dis pas que ça s'est passé. Ah, parce qu'en fait, je suis encore en études. Donc, je travaille pas encore. Et bam! Mais tu fais des stages. Alors non, pourquoi tu me dis que tu travailles des fois la nuit ou pas? Parce que ce que je fais, des fois, je demande de faire ça pendant la nuit, mais c'est des demandes, en fait. C'est des clients qui viennent me demander des photos, quoi. D'accord. Donc, tu demandes de faire des. Donc, en fait, tu fais des client, mais tu me dis que tu travailles pas, mais tu me dis que tu fais la nuit. Je te dis que tu travailles des fois la nuit, tu me dis oui, mais c'est rare. Et puis maintenant, tu me dis que tu bosses pas. Donc, oui, mais en fait, clair. Je suis étudiant. D'accord. Et ça, en fait, ça dépend à quelle heure on me demande de faire des photos. Donc, en fait, c'est-à-dire quoi? C'est un travail, quoi. C'est un travail, excuse-moi de te le dire, mais si on te demande de faire quelque chose, c'est un boulot. En plus, tu les appelles étudiants. J'ai pas de. En gros, c'est pas déclaré, quoi. Ouais, c'est ça. Il a pas de patron. D'accord, mais. Ça travaille au Black Friday. C'est pas clair, je peux pas continuer quand c'est pas clair. Non, mais il est pas clair. Voilà. Mais quoi, c'est pas clair. C'est pas clair, c'est juste que voilà, le pauvre il est un peu timide de passer à l'antenne, c'est voilà. Ouais, c'est ça, d'accord, mais ça l'impressionne. Il a pas envie de dire et qu'il doit. Non, mais je suis étudiant, mais je suis pas encore vraiment photographe. Mais d'accord. Il est photographe amateur, tout simplement. Okay. Donc voilà, tu fais des petits boulots et c'est pour ça que je voyais la nuit, etc. et tout. Donc à mon avis, des fois tu vas faire des shoots pour des soirées ou des choses comme ça, des anniversaires ou c'est ça. Exactement. Voilà. Ouais, cool, ok. Donc ce que je te dis par rapport à ce que tu fais au niveau boulot où on te demande, pour moi il y a quelque chose qui va changer dans le travail. Il y a peut-être quelqu'un qui te demande de venir dans, par exemple, je sais pas moi, si tu vas faire des photos en discothèque, et ben plusieurs fois cette personne, l'organisateur te demande de venir faire des photos, mais pour moi il va y avoir un changement au niveau hiérarchie et pour moi il t'appellera plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu comprends. Ah, bah elle est honnête. Attention, Véronica, boum, elle rentre dedans. Je veux dire, pour moi, c'est clair. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui va s'arrêter au niveau du travail de la nuit. Tu vois ? Oui, ok. Ok. Maintenant, niveau études, je vois des changements pour toi. Ok. Oui. Mais en fait, je vois que tu vas prendre des décisions par rapport à tes études. C'est ce que je vois. Il y a un blocage là-dessus par rapport à ton évolution au niveau études. Ah, ok. Donc, tu es en train encore de réfléchir ou de te remettre en question. C'est pas négatif. Ça arrive, hein. Ouais. C'est pas négatif. Hein. Mais bon, je te vois pas encore pleinement. Je vois qu'il y a moyen d'encore améliorer des choses. Ok. Voilà, Laurent. Voilà, mon pote. J'espère que ça va bien se passer, hein. Allez, au revoir. Le pauvre Laurent, il est timide, ça s'entend. Il faut pas appeler la radio. Non, elle a raison. Nigel sort de ce corps, purée. Non, il est pas du tout dans mon corps. Excusez-moi, je me saisis, il y a ma fille qui me tapote sur le bras alors que je la mets trop lit dans la zen room d'énergie. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais te prendre à boire, ma chérie, y a pas de problème. Viens, je vais t'amener un verre d'eau, viens. Ah bah voilà, y a Lara qui va charger de ça. Bah pauvre chérie, elle vient comme ça. Oh là là. Mais y a pas de souci, si t'as soif, y a les toilettes, tu vas boire dans l'eau. Non, je rigole. Non, ça c'est une blague, va pas aux toilettes. Prends les clés. Merde, elles sont là, tiens, attrape. Hop, 1, 2, 3. Ouais, jolie Lara. On a François qui est là. Salut François, désolé, nous avons été interrompus par ma fille. Ça va François? Salut Vince, salut toute l'équipe. Yo, François est dans la maison. Et merci. Alors François, tu viens de quelle ville toi? Boussubois. Boussubois, c'est près de Mons, hein? Ah ouais, Dour-Mons, c'est ça, ouais. Hey, et tous en cœur avec Thibaut. Le premier quart d'heure, Alphonse. C'est comme Adam, ce n'est qu'un émélior, un national de l'or. C'est le doudou. On a rien compris. Les gens du rempart iront comme les carottes. François. Non, mais c'est bon, merci. Merci. Ah, c'est bon, ferme ta gueule. T'as dit quoi, vivant? Autant des carottes, t'as dit? Ouais, ouais, ouais, ça parle de carottes. Ouais. Ramène pas mes cheveux, ça sert à rien. J'ai rien dit du tout, c'est toi qui as insinué. François, on t'écoute, mon pote. Qu'est-ce que tu veux nous passer comme message là? Enfin, pas passer comme message, mais plutôt, qu'est-ce que tu veux demander à Véronica la voyante? Alors, bonjour Véronica. Bonsoir. Voilà, moi je sonne pour savoir au niveau sentimental comment ça va se passer. Ah, c'est clair. C'est parfait, avec c'est clair. Avec quelqu'un en particulier? Non. Non, tout seul. Oui, non. Bah, attends, tu demandes trop d'infos. Oui, non. Ouais, voilà, je dis pas trop d'infos. Voilà. Non, mais tu veux savoir avec quelqu'un en particulier? Ouais, bah, ça, oui, j'ai une copine, quoi, mais... Ok, bah donne-moi son prénom, ah, si tu veux bien. Bah, merde. Ah, merde. Non, mais il est en couple, hein. C'est pas pareil. Mais attends, parce que là, c'est foutu en l'air. En fait, quoi? Ta question, Véronica, c'était de savoir si c'est en général qu'il va trouver l'amour ou si c'est avec une personne qu'il a en tête, c'est ça? S'il veut que je regarde avec une personne en particulier. Ou... Ouais, ok, d'accord. Mais sauf que là, donc, du coup, François vient nous donner des infos, n'est-ce pas, François? Exactement. Mais il a voilà. juste dit avec une fille. Avec une fille. Sa copine. C'est ça, qui est sa copine, du coup, c'est bien ça? Exactement. Et qui s'appelle? Ornella. Okay. Est-ce que t'as tout ce qu'il faut, Véronica, pour ça, à ce niveau-là? Non, mais attends, je suis pas au dîner, mon frère. Non, mais je sais, t'inquiète pas, je vais pas te foutre trop dans une bassine d'eau. J'ai pas compris les vannes. Non, mais c'est pas grave. Faisons pas gaffe, les amis. Pendant que tu es en train de faire les cartes, il y a un message de Kara qui est arrivé. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée. Et voilà. Bah, c'est la fin de note, hein. Salut. Merci. Au revoir. Bon les amis, bougez pas, Véronica est en train de faire les cartes. On check ça dans quelques instants sur Énergie, on arrive. Et puis les meilleurs moments de l'émission, vous avez droit à avoir Nigel qui se transforme en charisme. C'est dans un bébé chez Déconné, c'est tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Facebook, V-I-N-Z. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Chaque samedi, dès 10h, vous découvrez les hits les plus chazamés en Belgique. C'est le Hit Énergie. Le classement de vos 30 hits préférés les plus joués sur Énergie durant la semaine. Tous les samedis, avec Jerem et Khalid. 10h midi, c'est le Hit Énergie. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Énergie. Et si vous venez découvrir l'émission, bienvenue à vous, soyez bienvenus sur Énergie. Je m'appelle Vince, il y a Nigel qui est là, il y a Lara qui est aussi dans la maison, mais le vendredi c'est particulier puisqu'il y a ma fille qui est avec nous à Énergie. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a une petite chambre et tout, donc je la mets toujours au lit là-bas. Et oui, on a une chambre à Énergie, je sais, c'est merveilleux. Et donc Lara, je ne peux pas la présenter puisqu'elle est partie donner de l'eau à ma fille. Voilà. Ouais, elle est babysitter aussi à 6h perdu. J'espère qu'elle va pas me demander des thunes pour ça. Et puis on a également Thibaut et Eddy qui sont dans la maison. Ça va les gars? Ouais, tranquille. Oh, Thibaut, je le sens blasé de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, pas du tout. Monsieur, ça se voit, t'as une tête blasée. Et rapproche-toi du micro. Ce Black Friday, il est à chier, franchement. Pourquoi? Il y a rien. Mais comment il y a rien? Les réductions sont pourraves. Une réduction de 5€, ça sert à rien. Ah, tu regardes sur internet ce que tu peux choper? Ouais, Zalando, mais il y a rien. Ouais, bah c'est normal, Black Friday est fini en Belgique dans une heure. C'est pour ça que je regarde maintenant en fait. Oh, le pauvre. Mais t'es con, toi tu vas regarder quand il n'y a plus rien. Bah ouais, c'est ça, c'est quand c'est fini, toi. Il y a qui nous a renvoyé un message et nous a dit quoi alors? Ah, j'ai pas compris. Dans la maison. Voilà, splendide. Bonsoir, qui nous a été envoyé. Bonsoir à toi aussi. Salut à Nathan, à Ludovic, à Yves qui va absolument passer pour la voyance. Et Rabi qui nous dit dédicace à mes collègues chauffeurs de la STIB. On salue la STIB qui est à l'écoute et aussi au TEC, bien sûr. Et là même à la SNCB. Ah, ça nous écoute dans les trains. Ah ouais. Ça, c'est certain. François, qu'on récupère. François, est-ce que ça va toujours? Ouais. Formidable. François. Sur qui est dans la maison sur Énergie, effectivement, qui ce soir a posé une question à Véronica. Comment ça va se passer pour lui en amour, en sachant qu'il nous a précisé qu'il était en couple avec une certaine Ornella. Véronica, à toi de jouer, on t'écoute. Ah merde, avec ton micro c'est mieux, excuse-moi, j'ai pas l'habitude de ce micro là-bas, je l'allume jamais. Ouais, c'est vrai, ouais. Vas-y. François, alors, j'ai regardé deux fois, parce que je trouvais un petit peu étrange ton couple. Est-ce qu'il y a eu une cassure entre vous deux? Dans quel sens? Alors, c'est parce que je vois qu'il y a une espèce de rupture qui est... je vois des divergences d'opinion, une rupture. Maintenant, une rupture, ça veut pas dire non plus que c'est passé pendant un an, la rupture. Mais je vois qu'il y a eu une cassure. D'accord? Ouais. Ok. Et ce que je remarque à chaque fois, c'est qu'il y a une tierce personne qui met la zizanie dans votre couple. Ouais, ouais. Une personne du passé. Ouais, exactement. Ok. Donc, est-ce que tu as découvert des choses? Parce que je vois énormément de secrets. Ouais. D'accord. Bon, je te vois pas content, c'est clair. Mais bon, non, ça, j'ai pas besoin des cartes pour ça, mais bon, même, je le vois quand même, il y a énormément d'hypocrisie, et il y avait des gens qui étaient au courant, en plus, je vois dans l'entourage. On va dire oui, ouais. Ça peut être une meilleure amie ou quelque chose comme ça, mais dans l'entourage a été touché. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est clair que la confiance, il y a eu des mensonges. Et je vois pas de rupture définitive maintenant avec elle. Hein. Ouais. Pas de rupture définitive. Pour moi, j'ai une reprise. Maintenant, c'est un peu compliqué quand même. À quel niveau? C'est un peu compliqué au niveau de la relation parce qu'il y a trop de divergences d'opinion. Je vois encore trop de mensonges. Je vois encore des choses qu'on va découvrir. Tu vois? Ah, tu me fais peur. Voilà. Oh, tu vois comment? Je vois encore qu'il y a des choses cachées, je vois des mensonges, en tout cas des choses. Tu me le feras savoir. Je vais mettre une patate en rentrant. Oh non, what the fuck? Non, il voulait dire qu'il va lui ramener des frites. Ouais, c'est ça, j'ai eu un petit flip là. Quand même. Ok. C'est pas du tout drôle. Hein. Je vais mettre une patate en rentrant, non mais allô? T'es pris pour qui, pour Roméo? Ah ouais. Donc, je vais pas insister sur ce passage. Non mais allô. Reste calme à François Damien. D'accord. Non mais voilà. Bon, Véronique a dit, mais bref. Et ensuite. Voilà. Donc, pour la suite, j'ai pas de rupture définitive. Donc, il y aura encore des cassures entre vous deux par rapport à cette histoire. Ça, c'est sûr et certain. Je pense bien aussi que ça va arriver de toute façon. Que voilà. ça reste au fond de moi et j'arrive pas à le digérer. C'est clair. Et ton amour propre aussi. C'est une tromperie donc, oui. Non, elle m'a pas trompé, non. Il y a trahison quand même. Elle a fait quoi? Il y a trahison, excuse-moi, mais moi je veux la trahison. C'est une trahison, mais pas, c'est pas une tromperie, non. Elle a fait quoi, frérot? Oui. Inch'Allah, je te le dirai pas. Ça reste entre elle et moi. Ça. Ah, voilà. Ah. Bien vu. T'es trop loin, ma gueule. Vie bien privée, bien vu, franchement. Moi, on se respecte la vie privée. Leur gueule. D'accord. Mais donc, est-ce que Véronica a pour l'instant mis le doigt sur quelques trucs? Tout. Okay. Elle a surtout mis son doigt dans son cul. Oh, la gueule. Il rebondit sur tout, lui, doucement. Tellement c'est une boule. Vraiment. Bang. Bon. la suite pour notre ami François. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de sympa là alors? Bah, disons que, comme j'ai dit, c'est de sympa. C'est une relation qui est en dents de scie, quoi. Mais il devrait faire quoi alors? Qu'est-ce que tu ferais toi à la place? Mais non, arrête. Non, on ne fera pas déjà. Bah ouais, peut-être, non, peut-être mettre fin à la relation. C'est mais... à moi que tu poses la question? Non, à Nigel. Ah ouais. Non, mais non. Putain, mais t'es con. Non, mais voilà, quoi. Ce qu'il devrait faire, c'est faire une rupture, du coup, c'est pas de rompre. S'il a plus confiance, je vois pas pourquoi il devrait continuer. Maintenant, je ouais. l'incite pas à rompre, c'est sa propre décision. Bien sûr. Mais voilà, oui. quand on se sent trahi, quand il ouais. y a une perte de confiance, qu'est-ce que tu veux ça, faire? Ça, c'est vrai là-dessus. Moi, je rejoins Véronica. Genre, quand t'as ce petit truc genre, où tu te sens trahi et tout, c'est mort. Parce que tu vas toujours y repenser, du coup, bah, ton ouais. couple, bah, tu vas faire des disputes pour ouais. rien, ça. Hein. Ça nique le couple. Et ça nique après, surtout, ça nique ton cerveau, tu vas attraper des rides pour rien. Tu vois, le problème, c'est que je suis super amoureux, c'est pas le problème. Mais comme tu dis, ça rumine, ça remonte à chaque fois. Tu vois, à chaque fois, je peux être heureux, et du jour au lendemain, je vais pas la regarder parce que je vais repenser à ça, ça me casse ouais, les couilles. Ouais, c'est cool, je m'en bats les couilles. Ouais, mais arrête, Nigel. Non, moi, je pense qu'avec l'amour, on peut avancer. S'il y a de l'amour entre vous, et que vous en ah ouais. parlez. Et s'il y a de l'amour, on fait pas de la trahison. Ouais, mais. Si, ça peut arriver. Il peut, alors attention, oui. Ça peut se construire. Il peut y avoir. Il peut y avoir parce qu'on ne sait jamais. Enfin voilà, la rapide. Ça dépend des moments dans la vie, mais... quoi. Et la jeunesse du couple aussi. C'est pas puisqu'il y a eu une trahison que forcément ça veut dire que ton couple est niqué. Une trahison, tu l'interprètes comme une trahison. Peut-être que la personne a fait quelque chose qu'elle n'estimait pas être une trahison. Il y a des très grosses trahisons comme, voilà, des petites trahisons. Je pense qu'il faut se parler. Parfois, on commet des erreurs dans des couples. Je veux dire, quel couple est parfait? Quel couple est genre. On est nickel, on est parfait, on est 100%, il n'y a jamais rien, non. machin. Non, ça, je parle même pas forcément de tromperie, hein, je peux parler de plein d'autres trucs. Ah, pour moi, une trahison, par exemple, c'est je rentre à la maison et je vois que tout d'un coup, il y a tout qui a été peint, alors qu'on avait dit qu'on n'allait pas peindre le hall. Ouais, et ben, le hall a été peint. Mais, non, mais si, non, mais parce mais que si. C'est une décision et que tu n'écoutes pas, du coup, c'est une trahison, c'est quelqu'un qui prend une décision sans ton consentement. C'est aussi une sorte de trahison. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour ça, ton couple va finir, mais il peut y avoir des erreurs dans les couples. Je pense que ce n'est pas pour ça, effectivement, qu'un couple doit s'arrêter et doit être terminé. Je pense qu'il faut discuter, il faut en parler. Et parfois, on apprend et on évolue ensemble. Et après, les choses fonctionnent très bien. Je veux dire, pour avoir une vie parfaite dans un couple, hein, je pense qu'il faut tomber sur soi-même. Et c'est impossible de tomber sur soi-même. Mais non, parce qu'il faudrait que tu sois parfait. Ça n'existe mais pas. Voilà, mais c'est ça. On mais doit tous voilà. évoluer. C'est-à-dire que quand je dis tomber sur soi-même, c'est-à-dire que tu tombes sur ton clone, donc tu sais comment il pense. Ah et ouais. a priori, tu sais ce que tu vas dire, qu'il va mal prendre, etc. Et donc tu peux faire en sorte que. Mais ça n'existe pas, ça. Donc dans tous les couples, il y a des merdes. Ça n'existe pas un couple qui ne se prend pas la tête. Ça n'existe absolument pas. Si, où il y a ça pas... existe. Hein. Ben, lequel? Bah, je te promets que ça existe. Lequel? Tu parles de toi? Hein? Tu parles de toi ou pas? Non, parle pas de moi du tout. Non, mais ça existe où? Comment? Non, mais je te jure, j'ai des potes, ils font de la méditation, frère, je te jure, ils se sont jamais embrouillés, c'est vrai. Oui, mais ça, attends, c'est ce que tu vois aussi de l'extérieur. Il y a, ce qu'on te dit, mais attends, tu ne connais pas, tu vis à 24 avec eux, non? Non, mais il y a des couples qui se disputent beaucoup et des couples qui ne se disputent pas beaucoup. Effectivement. Donc, mais il y a toujours de temps en temps des réajustements. Sinon, y a des le couple est mort. Bien sûr. Ça, on doit évoluer. Moi, ce serait chiant s'il n'y avait pas une petite dispute avec ma meuf. Ce serait chiant. Pourquoi quoi, chiant? Mais ce serait chiant, genre, on est parfait, tout va bien, tout est nickel, tout est 100%, non. Ben non. Il faut des moments, je pense, où les choses sont dites, où il y a des petites disputes pour après, finalement... Et puis, il y a le après. On va aller faire la dispute. Oui, alors il y a la réconciliation, mais ça permet d'évoluer. Mais alors, tu vas me dire que tout le monde est parfait et plus personne n'a besoin d'évoluer. Je connais les gens, ils sont ensemble depuis 50 ans. Ils ont passé énormément d'étapes. Et pareil, encore, il y a encore des trucs. Même, c'est vrai qu'après 50 ans, il y a toujours le machin. Par exemple, mes voisins, ça fait genre 50 ans qu'ils sont ensemble, ceux-là. Et je te jure que tout va bien. Et puis, quand ils ont une petite dispute, ils en ont peut-être une tous les 6 mois, mais elle est canon, quoi, tu vois. Ah ouais. Alors, tu dis, mais putain, mais après 50 ans, vous disputez encore. Bah ouais, ça continue beau. Toute ta life. Donc voilà, il faut faire des concessions dans la life. Ouais, moi, je pense. Ça dépend. Et ceux qui sont en couple depuis 1 an, 2 ans, je crois pas que c'est là-dessus qu'il faut donner un point de vue sur la longueur. Ouais, hein. Clairement, ouais. On sait jamais, hein, je ne sais pas. Je dis rien. Vous voulez trop viser des gens, mais moi je m'en bats les couilles. Moi tout. Je dis ce que je pense et tout. Vous n'êtes pas content avec mon opinion. Marco, il nous dit Nigel, t'as fumé ou quoi? Il nous a demandé, là, peut-être c'est dans la voix de Nigel, c'est bizarre. Et oui, en couple, on n'est pas toujours d'accord, et puis ça met un peu de piment après la réconciliation, c'est top. Mais ouais, t'imagines, tu disputes jamais. Nigel est fâché. Il a coupé son micro et tout, il est parti. Non, mais Nigel, t'es vraiment fâché. Mais non, mais parce que vous faites des insinuations qui sont pas du tout. Comment ça, vous? Moi, j'ai rien dit, hein. Bah ouais. Non. Ouais, j'ai fait tout des bruits. Je fais le son de Louane. Avec Midi sur Novembre sur Énergie. François. Mon pote, c'est la décision te revient, t'essaies d'avoir une vraie discussion avec elle, ou alors bah tu fais une autre rupture et merci, bonsoir. Je peux lâcher une petite dédicace? Vas-y mon pote, on t'écoute, fais-toi plaisir. Dédicace à Jonathan, mon frérot. Voilà. Eh ben message passé pour Jonathan. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est midi. Allez, c'est parti, Louane. Midi sur Novembre avec Julien Doré. Sur Énergie. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi, je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur Novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La pire en temps désert. Crois-moi, j'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur Novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur Novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Sur Énergie. Victoria, si tu es avec nous ce soir, c'est parce qu'on va téléphoner tout de suite à ton gars pour le bébé J'ai déconné. Tu vas lui faire croire que tu as viré de bord, que tu as décidé de te laisser aller du côté des femmes. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est parti, on appelle Jonathan en direct sur Énergie. On va voir ce qui va se passer. Et la demoiselle en question avec qui tu as décidé de sortir n'est autre que Lara. Ou alors, ça fait très longtemps. Ou alors... Je crois qu'on l'a jamais lancé en radio. Elle s'appelait comment encore? Rachida? Karima. Ah, Karima. Charisma. Charisma. Ouais, salut, ça va ou quoi? Ah, Charisma. Ah, en plus, elle est Charisma qui sort à la chicha. Ouais, je l'invite ma mère. Parfait, ce sera Charisma qui sort à la chicha. Ah, c'est moi un gros. Victoria, fuite. C'est parti, on appelle Jonathan pour le bébé, je les connais. Bienvenue en direct sur Énergie. Allez, c'est parti. Let's go. Je serai mieux avec Charisma. C'est parti. Je l'invite ma mère. Allez. On écoute ce qui se passe. En espérant qu'il décroche, il est 23h40, on appelle un numéro inconnu. Allô? Oh, il est fainéant. Ouais, déjà. Bébé? Ça décroche, yes. Allô? Allô? Oui, c'est Vicky. Ils nous entendent pas. Pourquoi tu m'appelles en privé, toi? Je sais pas, c'est pas mon téléphone, je fais une mise à jour. Enfin, ça va, tu fais quoi? Ouais, j'étais couché, j'allais dormir. Tu fais quoi, toi? Ah non, je vais aller me coucher aussi. Mais, parce qu'en fait, je devais te parler, mais comment on a passé ça aujourd'hui, mais c'est assez important. Je crois que c'est le moment maintenant. Ouais, non, c'est le moment parce que je peux plus tenir sans moi. Et voilà, quoi, il faut vraiment que je te le dise. Tu te rappelles quand je t'ai dit que j'étais partie en week-end avec mes copines en Thaïlande? Ouais. En fait, j'étais partie avec, avec une seule copine, tu vois. Et mais ce week-end-là, bah, ça va pas te plaire, t'énerve pas, s'il te plaît, mais bah, je t'ai trompé, quoi. Attends. Moi, j'étais sérieuse, là, c'est une blague, dis donc, tu te fous de ma gueule, là. Mais non. Tu te fous de ma gueule. Non, je pouvais pas te le dire en face. Je sais que c'est égoïste de le dire par téléphone, mais voilà, je préférais te lâcher le morceau maintenant, comme ça, et voilà. C'est quoi? En gros, va te faire foutre, tiens. Oh non, attends. Oh, merde. Ah, mais il a raccroché vite, lui. Il a raccroché. Attends, il a raccroché. Ma mère, je m'en le temps de tirer sur ma chicha. Alors, dans ce genre de cas, il se passe un truc, c'est que les personnes, c'est rare qu'ils décrochent. Ah oui. C'est rare qu'ils redécrochent derrière. Parce que là, le raccrochage au nez. Ah ouais, là, c'est. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, Victoria? Ça fait 3 ans. Oh my god. Ah, t'as 3 ans, il a fait comme ça. Allez, ciao, je me casse. Alors qu'il a pas les infos, il a pas la précision. Attention. Non, mais il est très caractériel. Ah non, mais tant mieux, c'est bien pour nous, c'est sympa. C'est tout ce qu'on aime. On le rappelle. C'est reparti. Faut que ça décroche là. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as trompé? Tu veux quoi de plus? Vas-y, va te faire. Laisse-moi t'expliquer au moins, c'est bon, laisse-moi parler, non? Dis-moi, tu veux quoi? Parle vite. Oui, ben voilà, mais je sais pas, moi t'as pas l'air de réagir, excuse-moi. J'ai juste envie qu'on parle calmement, ok, j'ai déconné. Mais en plus, j'ai un autre point sur la conscience, c'est que je t'ai pas trompé avec un mec, autant lâcher le morceau. Je t'ai trompé avec un mec. C'est normal de venir me parler à cette heure-ci comme ça. Écoute, excuse-moi, j'arrive pas à dormir, ça fait une semaine et demie que j'ai passé la conférence, hein, j'arrive pas. Va te faire foutre. Mais écoute-moi. Déjà, tu vas te calmer tout de suite, ça va. Comment ça, tu vas te calmer? Comment ça? Tu veux comme ça, au calme, tu viens me dire, ouais, je t'ai trompé, tout truc, c'est normal ou quoi, espèce de pute? Ah, bah, t'as écrit, ouais, déjà avec ton pseudo sur ta messagerie, là, c'est bon, hein. D'accord. Tu m'écoutes, c'est tout. Voilà. Je te vide ma conscience, là. Je te dis que c'est trompé avec une nana. Et voilà, quoi, c'est tout. Ouais, ma mère. Je veux juste lâcher le morceau, je te le dis. Dans la vie de ma mère, elle donne le tuyau de chicha, là, sa pute. Ouais, mais c'est qui ça? T'es pas toute seule, c'est qui ça? Hein, Victor, donne-moi le tuyau de chicha, là, sa pute, toi. Oh, Vicky, c'est qui ça? Je vais t'enculer, je vais vous enculer, c'est qui ça? Ah, Victor, t'as bu du charbon, sale chouin, va. Vas-y, donne. Il y a Mohamed qui m'a appelé tout à l'heure. Oh, vous baiser, c'est quoi ce truc? Vicky, c'est quoi ce truc, putain? Comment je pense à crier? Vas-y, Victor, donne-moi un chewing gum, s'il te plaît, un chewing gum. Va, oui. Allez, tout sur Facebook, bande d'enculé. Et pas raccrochage, what's le non, mais il y croit dur comme fer, j'adore, mais je kiffe. Mais attends, il est pas du tout pour, hein. Mais vraiment pas, il y a même pas un petit. Une histoire côté, de fille. Non, mais du coup, laisse-moi un petit négocier avec lui, tu vois. Attends, vas-y, charisma, t'inquiète pas, on rappelle. Ma mère. Victoria, on s'en occupe, ok? Ok, ça va. Vas-y, allez, vas-y, go, Karim. La vie de ma mère. Allô, Jonathan, calme-toi, frérot, calme-toi. T'es qui, toi? Allô, calme-toi. Fais pas le houchen, voilà, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Fais pas le houchen, je vais cramer mon charbon de chicha sur ta tête, là, vas-y, tranquille. Oh, yo, tu vois la chicha, je vais te la mettre, donc, qu'est-ce que tu veux, ta gueule. Non, tranquille. En fait, Victoria, elle voulait pas te dire, tu vois. Mais l'autre jour, on est parti en chicha avec Karim, tu vois. Il a essayé de lâcher Bran et tout, genre, il a montré un tuyau de chicha et tout, tu vois. Avec Karim? Ouais, Karim, tu vois, genre, il a pris de la chicha. Oh, et la vie de ma mère, il nous a mis le bâton entre sa chatte et la mienne. La tête de Wam. Tu vois, toi, et Vicky, et fils de pute de Karim, je vais vous mettre tous les trois dans la cave. Jonathan, sois pas jaloux, frérot. Tu prends le charbon de chicha, tu le mets sur ta tête. Tu tires la vie de ma mère. Attends, tu fermes ta gueule. Le sang de Wam, vous êtes mort, la vie de moi. Ta daronne, elle a 3 tétons, reste tranquille, frérot. Reste tranquille. Hey, parle pas des darons. La vie de moi, papa des darons sont là. Non, mais elle a une mère. Maintenant, Victor, elle aime que les fameux. Toi, elle t'aime pas. T'as un mec, en plus, t'as une petite bite. Elle m'a dit, même le tuyau de chicha, il est plus grand que ta bite. Allez tous vous faire foutre. Bon, Victoria, attends, on va le rappeler. Et il est vénère le mec. Non, mais il est pas bien. Et vos réactions 0492-222-002 là. Et Victor a dit que t'aimes les cuits chichas dans ta tâche. Hé Nigel, ta mère a la trois tétons. Non, Jonathan, reste tranquille, il m'a merde là. Ma mère. Eh Victoria, là, vas-y, dis-lui comment on s'enfonce ces tuyaux de chicha dans le cul. La vie de ma mère, tu vas me faire péter un câble, je vais réveiller tout le monde dans la maison. La vie, commence pas à me faire crier. La vie de ma mère, commence pas à me faire crier. Non mais, hé, Jonathan, si t'arrives à allumer ta meuf comme un charbon, la vie de ma mère, elle serait restée avec toi. Hein. Vicky, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais comme ça, Vicky? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, mais si tu veux, attends, hé, Victoria, ta gueule, frérot. Eh, si tu veux, Jonathan, tu peux grave commencer à sucer nos tétons et essayer de sortir de la fumée. Passe-moi, Victoria, passe-moi. Non, ma mère, Victoria, dis-lui que dans nos tétons, il y a grave de la fumée de dragon qui sort. Ma fumée à la menthe. Écoute, bébé, j'y peux rien, je déconne, mais je préfère Mais pourquoi tu préfères? Pourquoi? Je plaisante bien. Mais non, mais tu veux quoi? Dis-moi tout. Non, mais Jonathan, tu comprends grave pas parce qu'en fait, Victoria elle m'a dit quand elle suçait ton tuyau, il y avait pas de fumée qui sortait. Et t'es grave jalouse. Tu vois, moi direct, tu tires sur mon tuyau, il y a direct de la fumée. Mais Victoria, t'as cru que t'étais une blinde ou quoi? Mais Victoria, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Charisma. T'es un ouf ou quoi? Non, mais ferme ta gueule. Je vais appeler Karim et tout. Ils vont venir te voir, hein. Mais la vie de moi, t'es qui, toi? Oui. Non, mais et moi, je vais à Lille, je vais me tourner, je nique ta mère, hein. T'es fou, quoi, hein, Jonathan, là. Ma mère, hein. Là, oh, yo, putain. Allez, oh, yo, yo, yo. Oh, yo, yo, yo. Bientôt je les gagne, je suis avec quand on chume. Oh là là, hey, j'ai chaud du nom ce soir là, qu'est-ce qui se passe? Victoria? Oui. Il est merveilleux. Il est magique. Mais... il est magique. Et Nigel, on nous dit, tu dis surtout Nigel, tu nous fais rigoler là. Bon, on va lui dire que c'est énergie quand même, Voilà. Bon, on le rappelle? Ah, vite ma mère. Bon, Charisma, tu tires colle. Hein. Vas-y, vite ma mère, c'est parti. Ça va finir autour de trucs basse, l'histoire. On y va. Allez. Ça sonne. Jonathan, avec ma mère. Eh, réponds au téléphone. Tu veux des doliprane ou quoi? Vas-y, putain, wesh, elle me trompe et tout. Non, vite ma mère, attends, je vais t'expliquer, Jonathan. Non, ça va. En fait, vite ma mère, vite ma mère, elle t'a pas. Je suis pas un fils de pute, hein, là, ma mère, t'es un ouf. Je veux dire, c'est une blague, mais là. Attends, mais en fait, regarde ce que tu fais. Pour la convaincre. Je n'ai pas envie de parler, vas-y, bouge-moi. C'est une blague. Oh non, mais non, on dit que c'est énergie. Attends, Victoria, on arrête là. Non, continue. Je te jure, on lui dit que c'est énergie. Elle, mais comment tu peux être mort de rire comme ça, toi? Mais attends, faut lui dire, attends. Wesh. Toujours un but. Eh, on lui dit ou pas, là? Vous choisissez sur WhatsApp. Non, ouais. Victoria. C'est tout, toi, je te connais, à pas vite. Mais non, j'en attends, si tu veux, tu peux jouer avec mon tuyau. Et ma mère. Eh, ta daronne, elle a déjà joué avec mon tuyau, elle m'a dit, elle avait apprécié ton daron, il était grave deg. Putain, ma tia. Oh putain, non, non, non, non. Elle est excitée, toi, elle dit que c'est énergie, merde. On va lui dire, attends. Elle m'a dit, je dis que c'est énergie, Tourcoing. Non, on va lui annoncer. Véronica, pardon, Victoria, dis-lui. Chut, ça va décrocher. Ouais, allô. Ouais, bébé, c'est moi. Tu veux quoi? Pourquoi tu pleures? Ouais, tu me trompes là et tout, je me pose des questions. Pourquoi tu te prends avec toi? Pourquoi tu rigoles? Dis-lui. Dis-lui. C'est une blague, hein, t'es sur énergie. Oh, yeah. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Et bienvenue sur Énergie les amis, on est en direct et j'espère que ce soir vous êtes prêts pour continuer à passer une très bonne soirée en notre compagnie. Les amis, on est posé, on est bien, on est tranquille, il y a Lara qui est dans la maison, ça va Lara? Hein, avec ton micro, c'est mieux. Ça va, Lara ? Ça va. Ah, formidable. Il y a aussi Véronique Lavoyante qui est avec nous ce soir. Oui. Et puis, on a également au standard Nigel. Ça va. Il s'est déplacé au standard. Ça va. Voilà, il est à côté d'Eddie pendant que Thibaut est tranquillement aux toilettes. Eh, moi, j'aime trop cette place. Hein. C'est vrai, c'est posé ouais, là-bas. Derrière une vitre. Un petit cocon. Voilà. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai une surprise pour vous. Je l'avais annoncé nulle part. Et je vous l'annonce. Tout de suite, je vais vous offrir Red Dead Redemption 2. Ah. Voilà, on a retrouvé un tranquillement, donc on s'était dit que ça allait être sympa de vous l'offrir. Et comment le gagner, ça va être très simple. Le premier qui va m'envoyer un message. Écoutez bien, chers auditeurs, le premier qui va m'envoyer un message, et le message, il est extrêmement précis. Il va falloir m'envoyer au 78 pour 1 euro le message. Il va falloir m'envoyer énergie, espace, votre prénom. Il faut pas écrire espace. Il faut mettre un espace entre énergie et votre prénom. Je tiens à le préciser. Ça va être le premier message que je reçois ce soir qui va gagner Red Dead Redemption 2 sur PS4. Prenez votre téléphone, ça va être à mon signal. Concentration. Ça y est, votre téléphone est en main. Je laisse le temps à ceux qui sont en voiture de se mettre sur le bas-côté. Les amis, ça va être un concours de rapidité. Énergie, espace, votre prénom, au 78, au moment où je vous dis de le faire, mais pas avant. Parce que déjà, vous êtes trop rapides, là. Justine, Sharon, Ruben, Bertrand, Florine, Quentin, Serpil et plein d'autres. Vous êtes trop rapides. Prenez le temps. À mon signal. Énergie, espace, votre prénom, 78, un euro le message, je le précise bien. Le premier que je reçois, juste après le signal... gagne son jeu Red Dead Redemption 2. T'as déjà joué à Red Dead ou pas, toi, Lara ? Non, jamais. Oh, il est tellement bien. Tu sais que j'attends qu'une chose, c'est que l'émission se finisse et que je puisse y jouer. Mais j'ai pas de PlayStation. Oh, ça, c'est dommage, ça. Quelle tristesse, Lara. Quelle tristesse. Tu n'imagines pas quel monde tu rates. C'est vrai. C'est quoi, ce jeu, en fait ? c'est un jeu de cow-boy. C'est un first-person shooter ? Non, du tout. Mais tu peux te mettre en first-person shooter, si tu veux. C'est un jeu d'aventure qui se passe dans le Far West en 1800, fin 1800, début 1900, où tu incarnes Arthur Morgan, un mec qui est un cow-boy qui fuit une zone dans laquelle il est recherché avec sa bande. D'accord. Et avec sa bande, il s'installe dans une nouvelle petite région où là-bas, ils vont devoir se faire du business. Et c'est là que tu peux chevaucher à bord du cheval que tu désires, celui que tu captureras, celui que tu achèteras. Tu peux même le tuner, ton cheval, c'est génial. Mais non. Si, si, tu peux le tuner. tu vas avoir des moments de relation avec lui. Tu vas lui donner à manger, tu dois le penser, le caresser. C'est les Sims, quoi. Le penser, j'aime beaucoup. C'est qui est vraiment, vraiment. P-A-N-S-E-N. Ouais, P-A-N, Sims. Voilà. C'est pas comme les Sims, disons que c'est. Ouais, ça fait penser aux Sims. C'est mieux que les Sims. Ce jeu, il est long, il est grand, il est génial, il y a des missions de ouf. Il y a la petite ville de Valentine qui est très sympa. Il y a la grande ville, j'ai oublié le nom parce que j'y suis pas encore. Parce que je suis à 12% du jeu. Et que j'ai plus joué depuis une semaine. Mais que ce soir, dès que je rentre, je vais aller pêcher. Parce que dans le jeu, j'adore aller pêcher, ouais. C'est vrai ? Ah ouais, on peut pêcher dans le jeu, laisse tomber. Moi, je pêche des trucs de ouf. Et ça dure combien de temps ? Et tu sais que je reste une heure. Bah, tu peux rester autant de temps que tu veux, je vais à pêcher. Mais moi, je reste une heure à pêcher. Et dès que j'ai plein de poissons, je vais les revendre pour me faire un peu de cash. Ouais, si. Parfois, je pars à la chasse aussi, je vais chasser les ours. Ah non. C'est vrai ? Ouais. Et puis, de temps en temps, je me dis, et si avec mon cheval je partais à l'aventure, regardais un peu ce qui se passe, et puis tu tombes sur un photographe au milieu de nulle part qui te demande « Fais la photo et défends-moi contre les loups qui pourraient m'attaquer ah. !» Et puis des moments, t'attaques des diligences, t'attaques un train pour choper l'or. Ah, t'es un voleur en fait. Tu peux l'être, tu l'es généralement, et t'as le choix aussi de faire des bonnes actions, des mauvaises actions dans le jeu. Mmh. Il est génial, il est ultra réaliste. Si et vous faites pas gaffe avec votre cheval, vous pétez la gueule. Excuse-moi. Bah, c'est pour gagner le jeu Red Dead Redemption 2. Oui, mais c'est j'ai compris. Le but l'objectif du jeu. Ah, le but, c'est d'arriver à la fin du jeu. Oui, c'est quoi ? Il faut pas sauver quelqu'un. Bah, ou alors, s'il y a des petites histoires avec une de tes ex-copines, je suis pas encore à fond dans l'histoire, mais le but, en tout cas, c'est avec ta bande d'évoluer, d'avancer. Et attention, je peux pas spoiler l'histoire non plus. On peut pêcher. Et si tu veux pêcher, comme moi, j'adore. Moi, je prends le temps avec ce jeu. C'est un truc de ouf. Je crois que je vais le finir en un an. J'adore prendre le temps. Et le multijoueur est très bientôt disponible, s'il n'est pas déjà disponible. Les amis, ça fait longtemps que je parle de Red Dead Redemption 2 et je précise qu'il est offert par Gamelord quand même. Et merci les gars. Franchement, merci de nous le filer comme ça, vous êtes trop cool. Attention, énergie, espace, votre prénom au 78. 1 euro le message, vous êtes prêts au moment où je vous dis d'y aller ? vous balancez le message. Et c'est pas sur le WhatsApp. Hein. Énergie, espace, votre prénom, au 78. Qui est le numéro, bien sûr. Parce que tout le monde m'envoie ça sur WhatsApp. Kimberly, c'est trop tôt. Bertrand, c'est trop tôt. Ah bon, il y a un... Fabienne, Michael, Michel, trop tôt. Attends, tu vas donner un signal ? Oui. Oh. C'est au moment où vous entendez le générique de l'émission. C'est-à-dire ? La musique de l'émission, celle-là. Oh voilà. My God. Mais c'est pas ça maintenant. Ça c'est pour isoler. L'échantillon, quoi. Vous êtes prêts, les amis ? Bien sûr. Le premier que je reçois au moment où vous entendez le tin-tin-tin, c'est celui qui gagne Red Dead Redemption 2. Tout un boxon pour ce jeu. Vous allez l'avoir. Je prie pour vous. Qu'est-ce qui se passe, Nigel ? Il y a des mecs qui ont déjà entendu ton petit jingle là, ils ont déjà envoyé. Merde, non, c'est après. Je vous l'ai mis pour le comprendre, je vous l'ai mis pour que vous puissiez comprendre. Écoutez la conversation. T'as trollé le monde. Non, mais je vous l'ai dit, j'ai même pas voulu troller. C'est pour qu'ils puissent savoir de quoi il retourne. Attention. Là, les amis, il n'y a pas de tirage au sort. C'est le premier que je reçois au moment où le signal retentit. Après le signal, parce qu'au moment où le signal retentit, tu l'auras envoyé avant. C'est pas très cohérent. Non, mais t'inquiète, on a les timings. Attention, Bertrand trop tôt, Christophe trop tôt, Rémi aussi, Mitch trop tôt, Carlo trop tôt, Geoffrey, Melvin trop tôt, mais... Quentin, Gaël, Serpil, Mobs, Tony trop tôt, Elisa trop tôt, Grégory trop tôt. Attention, les amis. Ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est bon d'écouter du western sur NRJ. Hey, my name is Arthur Morgan. Are you ready to win that fucking game, you know? Red Dead Redemption 2 to win tonight on NRJ. Grave, ils crachent tout le temps les cowboys. Et ils respirent bien. Tu peux jouer au poker aussi dans Red Dead Redemption. Ah ouais? J'ai appris à jouer au poker dedans d'ailleurs. Ça, j'aime beaucoup. Tu peux jouer au domino. J'avais jamais joué au domino sauf dans Red Dead Redemption 2. C'est ouf. Ok. Pas les dominos, les faire tomber les uns derrière les autres. Non, les vrais dominos, le jeu. Carlo trop tôt, Thomas trop tôt, Gaël trop tôt, Rémi trop tôt, Bertrand. Ayez des prêts tôt. You ready? Ouais. 3, 2, 1, and... Non, pas maintenant. Quel salaud. Énergie, espace, votre prénom, 78. Mais Théma, il y a encore un mec qui m'a envoyé, je suis sûr. Nigel. Mais les gens, ils sont bêtes, ils envoient, wesh. Mais non. Mais c'est parce qu'il fait semblant, lui, là. Oh. Ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ils veulent être les premiers parce qu'il n'y a pas de tirage au sort. Eh, mais il y a trop de messages. Non, pas encore. Bien que oui. It's not all. Allez, les gars, j'espère que vous l'avez isolé. J'espère que vous l'avez. C'est maintenant, les amis, énergie, espace, votre prénom, 78, on aura le message. Merci Gamelord pour le jeu Red Dead Redemption 2. On va tout de suite appeler la personne qui va gagner ce soir son jeu Red Dead Redemption. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait du bien. On arrive tout de suite sur NRJ. Vince est dans la maison. Balance ta voix à la radio. Ajoute Vince à tes contacts WhatsApp au 04 92 222 002. 04 92 222 002. Et envoie-lui des énergies extravagantes. La plus grosse fête de Belgique. Chaque samedi soir, dès 21h. Énergie Extravadance, votre émission club de référence. Vos DJ belges et internationaux mixent chaque week-end sur Énergie. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Ooh, baby, I'ma love you differently. I'll give you electricity. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. L'émission une fois, ce n'est pas grave. C'est pas 15. Tu peux rater l'émission deux fois, mais... pas 15. Tu peux rater l'émission trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois. 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois. Pas 15. Vince, 21h minuit, sur Énergie. Bienvenue, c'est le soir, sur Énergie. Vince vient de me dire il y a à peu près 30 secondes, alors que j'étais dans mon téléphone. Il y a 30 secondes, non, il y a quoi, il y a 5 secondes. Il y a 3 secondes, ouais, exact. Lara, tu lances. Mais je lance quoi? Bah, tu lances l'émission, tu continues, tu reprends, parce que j'avais la bouche pleine, désolé, j'étais en train de manger. Si, écoutez, bienvenue sur Énergie, vous avez choisi le bon poste. Eh, c'est, oui. C'est kiffant avec Lara, vas-y. Ouais. C'est vrai, attends, j'enlève mon appareil. Mmh. Oui, parce que j'ai un appareil dentaire. Ouais, la pauvre, on vient de l'installer pour que sa machine arrête de faire crac-crac. Oui, tout à fait. Eh, Damien, tu vas patienter un peu, Damien, là, qui arrête pas de m'envoyer. Alors, vous faites le jeu, c'est pas ton émission, c'est pas Damien. 21h sur Énergie. Oh là là. C'est vendredi, c'est cool, c'est le week-end. Il est 23h38, encore 20 minutes d'émission. Ouais, un peu ce plus. Soir. Ouais. Ou un petit peu plus. Voilà, 6 minutes de plus aujourd'hui. Ouais, avec un petit mot de la fin ou pas ce soir? Ah, on verra. Ah, bah oui, pourquoi pas la finale du mot de la fin. Grave. C'est drôle dans ce sens-là. Je t'avais lancé un défi hier, Vince. C'est que toi, tu devais trouver un mot. Grave, je vais participer moi au mot de la fin, c'est ah, ça? Ah, c'est toi qui dois trouver le mot. Ouais, grave. Mais merde, on va être là jusqu'à 2h du matin. Putain, ouais, ça va prendre une minute. Ou alors, pas ça grave. Va être rapide, on verra. Non, très bien, choisissons un mot. Ok, formidable. Merci Lara d'avoir pu reprendre les contrôles de cette émission. D'accord, mais plus jamais tu me fais ça. Véronica est toujours dans la maison. Sur Energy. Véronica, c'est quoi tes réseaux sociaux? Dis-nous tout, s'il te plaît. Alors, sur Facebook, c'est Véronica espace VS. Véronica VS. Sur Instagram, astro.véronica. Eh bah, bien, formidable. Et donc, si jamais vous avez des questions à lui poser ou vous voulez simplement la rencontrer, pourquoi pas faire une petite séance de voyance, eh bien, elle est bien sûr disponible. Mais comment on fait maintenant quand tu pars aussi loin? Parce que tu vis à Toulouse maintenant, toi, en France. Oui. Eh bien, je fais sur Skype, en vidéo ou par cool. téléphone. Cool. Oui. Et donc, j'ai même apporté les 5 cadeaux pour les auditeurs. Eh ben formidable. De réduction. On continue ça avec Yves, qu'on accueille avant de savoir qui a gagné le jeu Red Dead Redemption 2. Allô Yves? Oui, allô, bonjour. Yo, Yves est dans la maison. Yves, bienvenue à toi mon pote, il est 23h39 en direct sur Énergie. Tu vas pouvoir poser ta question à Véronica dans quelques instants. Tu restes avec nous Yves? Oui, pas de souci, je suis là. Formidable, merci mon pote. Il est sympa en plus, ça s'entend à sa voix qu'il est sympa Yves. Les amis, par contre tout de suite là c'est le moment sérieux de cette émission. Là. Attention. Lequel? Bah, c'est le moment où on va savoir qui va gagner son jeu Red Dead Redemption 2. Exactement. Donc je demande, est-ce que Nigel t'es prêt au standard ou pas, Nigel? Ouais, vas-y, ouais. Formidable, Nigel. Attention, ah merde, le son il sort que d'un bas. Aïe, ça fait mal. Ah, c'est bon, non, il sort bien. Mais c'est toi qui dois l'appeler. Hein. Je dois appuyer sur le petit bouton, c'est ça? Ouais, parce que chez moi, ça marche pas. Vas-y, fais-le. Hein, parce que moi, j'essaie de faire ça depuis le 27 août, ça fonctionne pas. Sérieux? Ouais. Ah non, c'est bon, ça a fonctionné. Quand c'est Nadjul qui le fait, ça fonctionne. Oh merde. C'est moi, je suis trop con. On appelle quelqu'un qui a gagné Red Dead Redemption 2 au hasard. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ici Énergie à l'appareil, la compagnie d'électricité. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Vous appelez comment? Angélique. Angélique, est-ce que je peux tutoyer Angélique? Tout à fait, avec plaisir. Ah, splendide, on n'est pas sur Nostalgie, tu vois. Angélique, bienvenue à toi sur Énergie. Est-ce que ta journée s'est bien passée, Angélique? Super. Ah, formidable. Journée de congé. Oh, un spectacle avec la maman ce soir pour sa Sainte-Cécile. J'ai été voir Vincent Pagé, un spectacle de fou. Ah bah formidable. D'accord. Et donc du coup, t'as ton samedi et dimanche de congé aussi? Non, je suis infirmière à domicile, donc... Oh, c'est la Sainte-Cécile aujourd'hui? Faut pas abuser. T'as dit que c'était la Sainte-Cécile aujourd'hui? Non, c'était hier, mais je lui ai offert, le spectacle était aujourd'hui, donc je lui ai offert hier pour aller voir le spectacle aujourd'hui. Oh, c'est Conge de vie de Vincent Pagé. Je connaissais pas. Voir. Je connais pas Vincent Pagé, je vais découvrir. Hein. Plus, ouais. Voilà. Rappelle-moi. Ben, Vincent Pagé est un comique belge de Halloween qui est exceptionnel. Ça sent la promo. Rappelle-moi ton prénom encore. Angélique, super. J'allais t'appeler Angela, je sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. Non. Angela, tu as quel âge, dis-moi? Alors, j'ai 44 ans et j'ai joué pour mon fils qui a 16 ans. Ah, pas mal. Et ton fils, ben oui. Il n'a pas Red Dead Redemption 2? Non. Est-ce que ton fils... Il ne le sait pas encore parce que je suis sur le trajet de retour pour rentrer à la maison. C'est énorme. J'ai entendu, je me suis garée, j'ai joué et voilà, je suis hyper content. Bravo! Et ben, tu vois... Tu vas pouvoir faire plaisir à ton fils parce que ce soir, c'est gagné! Ouais! Super! Trop content pour lui! Oh, c'est magnifique! Et ben là, tu rentres à la maison. Chérie, tu vois, en plus, je vais te dire un truc. J'étais un petit spectacle. J'ai écouté l'émission de radio. Et ben, t'as gagné un cadeau. T'as la baraka. Et je te jure, et normalement, il devrait kiffer. Si c'est Red Dead Redemption 2, il devrait kiffer. Ah non, mais il va kiffer. Ouais, mais il va kiffer. De toute façon, ça, je vous le dis tout de suite. Je le sais. Ah, tu le sais. Il en a parlé du jeu ou pas? Ou il est courant qu'il a gagné? Non, il n'est pas au courant du tout. Je vais lui apprendre dans 5 minutes. Mais c'est mon petit lolo. Hey, mais attends, il a 16 ans et s'appelle Valérian. Est-ce qu'on peut découvrir ça en direct quand tu lui annonces? Ouais, je vais écouter. Dans 2 minutes, je suis à la maison. Ah bah super. Ah bah formidable. Vous aurez ça en live. Ben je reste avec nous à l'antenne, je te passe au standard. Et puis dès que c'est showtime, ben on te passe à l'antenne. Okay. Ça va? Ça va, ok, ça marche. À tout de suite. Non, raccroche pas là. J'adore les bonnes nouvelles comme ça. T'imagines, tu rentres tranquille et t'annonces quelque chose à tes enfants. Surtout comme ça, d'aussi positif. Peut-être qu'ils le voulaient grave, tu vois. Mais bien sûr, mais tout le monde veut grave. Et d'ailleurs, désolé pour ceux qui n'ont pas gagné. On va négocier avec la direction pour en avoir d'autres de la part de Gamelord. Donc vous inquiétez pas. On est sur le coup, les amis. On a toujours Yves qui est avec nous. Yves, le dernier passage pour la voyance de ce soir avec Véronica. Véronica, d'ailleurs, on travaille sur tes banners. Hein. Ça va arriver bientôt. Hein. Comme ça, tu sais. Hein. Ah, super. Je sais que tu veux absolument avoir le branding énergie qui est surpuissant. Exactement. Ne t'inquiète pas. Fière. Compte sur nous. Bah, tu as raison. Il faut être fier de bosser sur Énergie. Nous, on est les premiers méga fiers ici. T'as pas idée à quel point on kiffe notre race depuis qu'on est là. Vraiment. Mais et de puis je suis avec la famille. Hein. Ouais, exactement. C'est un plaisir de t'avoir, Véronica. Oh, alors, c'est gentil. Yves, Véronica, t'écoute. C'est à toi de jouer. C'est parti. Allô. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Donc, voilà. Moi, ma question va être très simple. En fait, je suis sur un achat. Je dois faire un achat. Pas trop d'infos, Yves. D'accord. C'est un bien. Achat d'un bien. Oui, voilà, l'achat d'un bien. J'aimerais savoir si ça va se faire ou pas. Okay. Voilà. Ça suffit. C'est bien, c'est clair. Très clair. Limpide. Professionnel. Ouais, exactement. Yves, c'est quoi ton métier? Enfin, non, ne dis pas, parce que sinon Véronica va me dire « Non, t'as envie de rien dire et tout !» Super, Vin, super, j'aimerais trop gagner Red Dead pour mon fils, qui a son anniv mercredi. On va voir si on peut en avoir la semaine prochaine. Je suis pas sûr, je vous promets rien, on va essayer. Et il y a les mêmes qui m'envoient des vidéos de gilets jaunes qui sont actuellement disposés un peu partout. Ah, c'est le week-end, donc gilets jaunes, ils sont nous, là. Nous, on n'a pas payé les péages. C'est vrai? C'est pas vrai. Oui, 3 péages, on n'a pas payé. Oh, génial. Ouais, 3 péages. Ils nous ont fait passer. T'as gagné, t'as épargné 70 balles, un truc dans le genre. Non, non, moi. Mais oui, je suis ouais, bon, oui, depuis hier, on est parti. Oh my gosh! Eh, les gilets jaunes, merci. Ouais. Alors, la semaine passée, j'ai pas su partir à cause de ça. Hein. C'est vrai? J'ai dû faire demi-tour. Ah, ouais. Et bon, faites ce que vous avez à faire, les gilets jaunes. Cassez pas des trucs, mais faites ce que vous avez à faire. Parce que voilà, vous défendez. Sur les autoroutes, merci. Voilà, vous défendez les gens fâchés, donc voilà, respect à vous. Mais foutez pas trop la merde non plus, hein, parce qu'il y a des gens là-dedans, ils ont rien demandé. Hein. C'est vrai. On est d'accord. C'est parti. Alors, Yves, j'ai une petite question. Est-ce que ton bien, il est loin ou il est près d'un. Près d'un cours d'eau où je vois beaucoup de verdure et un cours d'eau. Il est. Oui, il est près d'un cours d'eau. Mm-hmm. Oui, c'est pas très loin. Bah, écoute, ma maison aussi est près d'un cours d'eau. Hein. Non, pas tous. Hein. Canal de Charleroi, direction à Bruxelles. La Seine. En fait, par rapport à ce bien, bon, moi j'ai quand même la réussite hein, dessus, hein, j'ai quand même l'argent qui est là, etc. Mais je vois énormément de choses à faire dans cette maison. Non, en fait, c'est une voiture. Ah, d'accord. C'est pour ça que je te demandais un bien. Donc je pensais que c'était un bien immobilier. D'accord, ok. Non. C'est un achat de bien, mais pas immobilier. Mais qu'est-ce que c'est? Alors pourquoi moi j'ai toujours un bien immobilier où il y a de l'investissement, de l'argent, et comme s'il y avait des travaux? Ah, ça, c'est la maison. Oui, ça, en fait, oui, j'hésite entre les deux. Je viens d'acheter une maison. Ah, d'accord. Il n'y a pas de temps et j'ai des travaux à faire. D'accord. Donc, j'hésite à faire les travaux ou à acheter la voiture. Ah, ok. Bravo, Véronica. Tu disais, Vince? Non, rien, écoute. Il y a des moments où tu es forte, hein, je ne sais pas expliquer. Voilà. Bon. J'ai toujours du mal à croire à cette voyance, mais il faut dire que Lara, Véronica, pardon, est forte. Oui, Lara aussi. Moi aussi. Alors, par rapport à la voiture, je te le déconseille, Yves, parce que j'ai un blocage avec cette voiture. Alors, il risque d'avoir des divergences d'opinion et je vois même la loi par rapport à ça. Curie, c'est pile dedans. Oh là là là là là là. Eh mais ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Eh ben bravo. Bravo. Alors là, je suis choqué. Ah les gars, je suis choqué. Je suis sous le choc. Merci Véronica. Alors là, avec plaisir. Ça met une claque ça. Hein. C'est incroyable. Véronica VS sur Facebook, allez lui parler. Ok, vas-y, continue du coup. Alors, mais non, justement, je explique un peu par rapport à ça pourquoi il y a ce blocage et cette loi qui rentre en compte. Parce que pour ta maison, ouais. je te le dis, c'est ok, c'est très bien. Hein. C'est quelque chose de bien. Feu vert. C'est feu vert, ouais. Mais par rapport à cette voiture, ça va pas du tout. En fait, oui, voilà, j'avais mis un peu d'argent de côté pour faire mes travaux. Et puis, j'ai eu une bonne occasion pour acheter une voiture. Mais le problème, ben, d'ailleurs, les gilets jaunes sont là pour en témoigner. Le problème, c'est le diesel. Mm-hmm. Je voulais acheter une diesel ou une essence et j'avais une très bonne occasion pour acheter une diesel. Mais bon, voilà, le diesel, j'ai l'impression qu'il est condamné. Bah oui, dans quelques instants, ça dépend de l'année de la bagnole. Mais bah, l'essence aussi est condamnée. Non, mais il y a une date limite pour certains véhicules. Mm-hmm. J'ai une grosse perte d'argent de toute façon hein, par rapport à cette voiture. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que j'avais. C'est une nouvelle voiture, hein, mais j'avais un très bon prix pour proposer. Et je me disais, qu'est-ce que je dois faire, l'acheter ou pas? Moi, honnêtement, j'ai un blocage sur cet achat. Donc, pour moi, je te dis, bon, maintenant, tu es maître de tes décisions, hein, Yves. Hein. Mais pour moi, je te dirais non. Maintenant, par rapport à la maison, c'est très bénéfique. Donc, c'est ce que je peux te répondre. Ouais. Donc, voilà. C'est comme je pensais, mais un avis positif en plus, c'est bon à prendre. Non, super. Mais avec plaisir. C'est super. Ben voilà, Yves, mon pote. Bon travaux à toi. Merci. Bonne continuation, à bientôt. Hein. À bientôt. Bonne continuation, bravo Vince. Merci Yves, bravo Véronica pour le coup là. Ciao, ciao. Oui, surtout Véronica. Merci. Bye bye, à bientôt. Merci mon pote. Et salut les Luxembourgeois qui sont très nombreux à nous écouter. Je m'excuse auprès de beaucoup, beaucoup de Luxembourgeois. Vous n'avez pas idée le nombre de messages que je reçois sur le WhatsApp où on me dit Vince, nous au Luxembourg, on ne sait pas jouer avec toi. Effectivement, je crois que le 78 ne passe pas depuis le Luxembourg. Vince, mais c'est bien 78, pas besoin de mettre un indicatif avant, n'est-ce pas? Oui, c'est 78 depuis un réseau belge. Mais quand vous avez un réseau étranger, par exemple les Français qui veulent jouer avec nous ne savent pas faire au 78 et les Luxembourgeois non plus. Je suis vraiment désolé, je vais me renseigner un petit peu plus loin pour voir s'il y a d'autres moyens, mais je pense pas malheureusement. Donc je suis désolé, Luxembourgeois, assez relou. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ferai des trucs sur les réseaux sociaux prochainement, là, bien sûr. Histoire de penser à vous aussi. Parce qu'il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de messages luxembourgeois, c'est dingue. Merci c'est à toi. Parce que je viens du Luxembourg. T'es passé par Luxembourg ou pas pour venir ici? Oui, oui. T'as fait un détour en venant de Toulouse. Mais j'avais un autre truc avant, juste avant. Ah oui, t'avais besoin d'aller choper des cigarettes hors taxe, c'est ça? Non. Heureusement. J'ai été travailler. Ah bon, tu travailles au Luxembourg? Mais oui. Eh ben dis donc, cette demoiselle, c'est incroyable. Véronica, pour te joindre, Véronica VS sur Facebook, c'est bien ça? Tout à fait. Eh ben formidable. Tu repasses du coup une prochaine fois dans cette émission, dans deux Mais semaines, bientôt, c'est ça? Dans 10 jours, oui. Dans 10 jours. Ah, c'est rapide, dans 10 jours, c'est bien ça. C'est toujours rapide. Hein. Que t'as dit quoi? C'est toujours rapide. Je pensais que tu avais dit tu es toujours rapide. Je me suis dit, mais non, qu'est-ce non, que t'en sais? Je me permettrai pas. Ah, mais j'espère bien, en tout cas. Merci. Merci, Véronica. Avec plaisir. Véronica VS sur Facebook, les amis. Elle sera de retour prochainement dans l'émission. Et puis, ne bougez pas, parce que tout de suite, ça va être un mot de la fin auquel je ne serai pas le lanceur. Mais une personne autour de cette table, vous allez choisir qui sera le lanceur du mot de la fin. Et moi, je vais devoir trouver le mot gagnant. Ça va être dans quelques instants sur NRJ. Surtout, ne bougez pas d'abord. C'est Dimitri Vegas, Like Mike, avec When I Grow Up. Et je vous rappelle, dès minuit, enfin minuit des poussières, jusqu'à 1h du matin, je prendrai le contrôle des platines d'Extravadens sur NRJ. Vince et Madame. I do them trees, it's true if you believe, you can get anything you want to achieve, and that's worth to everything tatted on my sleeve, it ain't what you see, a G is underneath, I've left plenty positions of feeling comfort, when shit ain't cool, fools run for it, you gon' remember my name when I'm done with it, and when it's said and done, I'll be at the top where the summit is, 10 toes, we the ones who run it, everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon the hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow but down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. Dès 21h. She said, do you love me? I tell her only partly. Vince. 21h minuit. Vince est sur Énergie. Vince est sur Énergie. Allez, welcome à vous. Énergie le soir, c'est de 21h jusqu'à minuit. Et plus c'est affinité, on n'a jamais fini à minuit pile. Sauf la première émission. La première émission, je confirme, nous avons fini à minuit, ça c'est sûr et certain. Mais les autres émissions, pas du tout. Donc voilà, là aujourd'hui, on va pas faire la fête trop tard parce que je voudrais respecter mon timing Extravadance quand même. Hein. C'est important. Non mais voilà. Ouais, que quand toi tu bixes, que tu respectes le timing. Hein. Tu parles. Non. La dernière fois, j'ai mis un set d'une demi-heure. voilà, parce que moi j'avais prévu un truc bien précis et tout ça là en plus. Par contre, ce serait cool qu'ils me mettent les platines ici parce que moi j'en ai marre de toujours aller dans le studio à côté là. Sérieux? Ouais, c'est relou. Parfois même quand le studio à côté il est occupé par d'autres personnes là qui enregistrent. Des trucs, etc. Mais moi, je suis obligé de passer un set que je vais enregistrer en journée. C'est relou, tu vois. Ah ouais. Je voudrais bien faire un peu de live. Tu sais quoi, ce soir, ça va être live. Voilà. Ah ouais? Ouais, mon balai-coup, on va ramener les platines et tout. Allez, c'est parti. On va se faire un petit délire tranquillou là. 0492-222-002, les amis, Vince, faut jouer jusqu'à 1h30. Non, parce qu'après, il y a la suite de la programmation d'Extravadance, donc je ne peux pas, bien sûr. Alors, on récupère Angélique à l'antenne là. Allô, Angélique? Oui, je suis là. Ah, formidable. Angélique, est-ce que t'es rentrée à la maison? Je suis à la maison, je suis en bas parce que les enfants sont à l'étage. Ah, super. J'attendais votre signal. Eh ben écoute, nous on écoute ce qui va se passer et okay. Tu peux monter et le dire avec l'haut-parleur, comme ça on entend. Enfin, j'espère qu'on va entendre en tout cas. On est curieux. Salut, hello. J'ai joué à un jeu sur Energy. T'as gagné un jeu PS4. Et c'est ? Ça donne un code 2. Ah, c'est cool ça. Cool, hein ? C'est ouais, ce que tu veux en plus, non stop. Ouais, c'est cool parce qu'il vient de sortir. Et tout bien. Et t'es le seul à l'avoir gagné. Il t'entente là, à vrai dire, ce que tu ne sais pas. Tu veux la radio ? Oui, toute la radio t'entend. Et ouais, t'es en direct sur Energy. Et voilà mon pote, Red Dead Redemption 2. Tu t'appelles comment ? Valérian. Eh Valérian, alors t'as vu ça ta mère, comme elle était forte. Elle a envoyé le message en première. Hein. Elle a joué face à des milliers d'auditeurs et elle a gagné. Respect à elle quand même. Hein. C'est bien maman. Eh, fais-lui un check à ta mère ou prends-la dans tes bras. Fais-lui un bisou. Ah oui, je suis déjà dans ses bras. Ah, dis-lui je t'aime maman, on veut l'entendre. Je t'aime maman. Oh, là, là. Eh, Red Dead Redemption 2 mon gars, t'as entendu, t'as vu. Eh ben d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Valérian, est-ce que tu écoutes l'émission de temps en temps ou tu nous connais pas du tout, toi? Ouais, si. Sérieux? Ouais. Attends, on va faire un test. On va le faire dans un test. Et c'est qui l'animateur de l'émission le soir sur NRJ? Ma voix, c'est qui? Et regarde le test. Ok, ça va, je m'incline devant Valérian et toute sa splendeur et sa maman Angélique. Respect. Merci. Avec plaisir. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et Valérian, bah, ça va arriver prochainement, à mon avis, sur NRJ. Ça va? Cool. Enfin, chez merci, toi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bisous, bye bye. Raccrochez pas. Bisous, ciao, ciao. Raccrochez sur toi. Vous avez pris les coordonnées de tout le monde, les amis? Oh, bah, c'est parfait. La vie est belle, alors. Bon, allez, mot de la fin pour la dernière ligne droite. On va dépasser les minuit dans quelques secondes. D'ailleurs, si pas maintenant, en fait, et quand il est minuit, ben j'ai toujours l'art maintenant, depuis quelques jours en fait, de passer un jingle. Et vous savez quoi? Ben le jingle, c'est maintenant. Vince est sur Énergie tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, en principe, hein, parce qu'il ne finit jamais à l'heure. Hey Vince, il est minuit, faut rendre l'antenne. Vince! Ah ben je crois que je parle dans le vent là. C'est bon, Vince, tu peux terminer quand tu veux. Oh my God. Yeah. Tous les soirs, de 21h à... Je sais pas quelle heure, sur Énergie. J'adore, je crois qu'on est le seul jingle du monde à avoir un jingle pareil. Enfin voilà, le seul radio du monde à avoir un jingle pareil, c'est plus français. Et Yotio avec Rolex, c'est tout de suite. Rolex ou Rolly, c'est comme vous voulez. On arrive dans quelques secondes sur Énergie pour le mot de la fin. Et c'est pas moi qui le fais, Sora, attention. I just wanna Rolly, Rolly, Rolly with a dapper ranch. Some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Yeah, yeah. I need that moolah by Tuesday. Yeah, yeah, that way. I low key feel like feng shui. I just now got started. Got views, I'm popping. My diamonds gone retarded. Yo, girl, on deck is a party. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Some Teletubbies, ayy. Baby diamonds wet, shining like some guppies, whoa. Your man's hating, probably cause his girl love me, ayy. I pull up to the mall and I'm flexing on you, whoa. Jaleo in the cut and he got them buffies, got them buffies. White skids got me going crazy, crazy, ayy. Your girl love me cause she probably want my baby, ayy. Ice on my neck, cause like five YouTube. Got some designer to hold on my pants. I just want some ice. Rolex. So I look better when I dance. Have you... Le mot de la fin fait par Lara ce soir, exceptionnel dans l'émission. Ça va arriver. Le soir dès 21h. Vince est sur Énergie. Eh oui, soyez les bienvenus sur Énergie, en live in direct, les amis, comme tous les soirs d'ailleurs. Hein. On n'a pas passé beaucoup de meilleurs moments, on avait les scores qui étaient prévus, bon, ce sera pour vendredi prochain du coup. On fait un gros bisou à notre collègue Stéphane Chow, qui est animateur de Nostalgie, là, qui s'en va déjà. Oui, lui, il finit à minuit pile, il se barre. Hein, mais nous, voilà, on a la chance de pouvoir un petit peu dépasser le timing. Lara, est-ce que tu es prête pour le mot de la fin? Oui. Ah, formidable. Lara qui va s'y coller au mot de la fin ce soir. Et rapidement, on a François, là, qui nous a envoyé un message. François qui était passé à l'antenne il n'y a pas longtemps, là. Allô, François? Oui, ouais. Et re, François, tu nous envoies un message qui nous a intrigué. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais, hop. En gros, donc je suis en camion et il y a une camionnette qui vient percuter plein fouet une voiture qui était sur la première bande d'autoroute. Le chauffeur de la voiture perd le contrôle, il va se fracasser sur la bande centrale de l'autoroute et bah du coup j'ai arrêté le camion en urgence sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai traversé l'autoroute, j'ai été voir si le gars ça allait, il est sorti de sa bagnole, j'ai appelé le 112. Ouais, voilà, ouais. Et du coup je l'ai fait traverser en sécurité, je l'ai mis dans la voiture de donc la camionnette qui l'a percuté pour que, parce qu'il était mourant gelé, quoi, il était tout froid, donc je lui ai dit, mets-le dans ta camionnette, au moins il aura chaud, quoi. Ok, bah heureusement, et... mon pote, c'est bien. Et ça va, tout le monde va bien, alors? Bah écoute, il se plaignait juste de grosses douleurs au niveau de la tête, mais bon, la voiture, c'est une boîte de conserve, quoi. Ouais, sinistre, hein. Les dettes, heureusement, il va bien, heureusement, ouais, dis-nous. Je lui ai dit, quand la police arrivait, de faire un éthylotest au chauffeur qui l'a percuté, parce qu'il... l'alcool, quoi. Ah bah franchement c'est dingue, les amis, soyez prudents sur la route. Ouais. Si vous avez confiance en vous, tant mieux, mais soyez toujours méfiants par rapport aux autres véhicules. C'est dingue, t'as vu le gars, il aurait pu tuer quelqu'un, quoi, le mec de la camionnette, quoi, de plein fouet il a chopé la voiture. Et ben François, respect pour ce que t'as fait, je trouve ça génial. Ça va bien. Et voilà, j'espère que voilà qu'ils ont quand même checké l'autre gars là qui était bourré visiblement. Enfin de toute façon j'ai donné mon numéro à la personne qui a eu l'accident pour comme témoin, si jamais il y a un souci, quoi. Et la camionnette, lui, il est resté sur place, là, le pilote de la camionnette. Ouais, je t'ai dit, il est sur place, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, en tout cas, respect pour ce que t'as fait et soyez prudent pour tous ceux qui sont sur la route. Je vous rappelle, le nombre d'accidents explose le week-end, les vendredis et les samedis. Donc soyez méga méga attentifs, c'est très important sur la route et surtout ne buvez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent. Voilà, c'est si vous conduisez. Exactement, si vous conduisez, surtout ne buvez pas et comme on dit, celui... Voilà, c'est ça, c'est important. Oui, ou dormez chez vos amis. Exactement, vous pouvez n'hésiter pas à prendre un Uber, un taxi, ouais, tranquille. C'est bien, c'est mieux. Voilà. Allez, bisous à toi, merci François, et bien joué. Hein. Pas de soucis, bonne soirée, merci à Ladier, les gars. Bye bye, mon pote, salut. Salut. Allez, c'est parti, les amis, tout de suite, on joue au mot de la fin, et c'est pas moi qui joue ce soir, c'est Lara qui lance le mot de la fin. Ah, c'est génial. Et je fais d'abord un gros coucou à Jasmine. Vin, je sais pas si c'est encore prévu que vous m'appeliez ce soir. Ouais, les gars, on va appeler Jasmine hein, pour la chanson là, sur Instagram. J'adore, je regarde Adieu qui fait. Ah, c'est le standard. Non. Qu'est-ce qui se passe, Thibaut, là? C'est pas de leur faute. Pourquoi c'est la faute de qui? Non, ce soir, je les défends. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme Véronica et tout est revenue en retard, ah ouais, elle a grave déplacé notre planning. Ah bah purée. Et du coup, elle a déplacé nos. Pauvre Jasmine, elle voulait chanter à l'antenne et voulait qu'on ait son point de vue. Elle chantera lundi. Bah, genre, Jasmine, on t'appelle lundi sans souci. Ou alors peut-être qu'on fait genre, mais que c'est de la merde et du coup, on l'appelle pas. Mais arrête, Nigel. Non, si, je lui ai promis sur Insta. Et comme je lui ai promis sur Insta, bon, on va vraiment le faire. Donc, Jasmine, pas de problème, on t'appelle lundi. J'espère que ça va pour toi. On te fait un gros bisou et merci pour ton message. Les amis, ouais, c'est parti. Let's go pour le mot de la fin. C'est Lara qui le fait ce soir. Il doit pas prendre jusqu'à 1h du matin. J'ai pris mot de un la mot fin. Très facile. C'est vrai? Ouais. Parce qu'hier, on a fait le record. Une demi-heure au mot de la fin. Vous pouvez jouer avec nous. Et je fais un gros bisou à Damien aussi qui râle. Il fait « Et mon jeu ?» Il est fâché, t'entends ça? Il est vraiment fâché, hein? Si, il faut se disputer en couple, justement. Ah oui, ça sert à d'avoir, c'est pour un autre truc. Damien, ce sera lundi aussi, mon pote. Désolé, on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Hein. Comme quoi, le vendredi, on n'a pas toujours le temps. Hein. C'est parti, Lara. Tu as le mot en tête, c'est bon? Ouais. Il y a les propositions des auditeurs qui arrivent sur le WhatsApp. Mais tu fais comment, du coup? Ah, zut, on doit changer de place. Ah oui, on doit échanger nos places. C'est parti, prends ma place. Mais donc la musique sera la même tout le temps, quoi. Bah ouais. Ouais, de toute façon, mon ordinateur, il est plat, donc... Oh là là, t'as vu? Entre-temps, vous pouvez parler les autres. Hein. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Attends, je sais pas si le micro de Nigel, il est levé. Ah, c'est hyper fort! Mais, ouais, j'ai mis mon casque super fort. Mais là, comment je baisse? tu baisses pas. Attends, voilà. Je vais le faire. Oh non, s'il te plaît. Je vais le faire. Ah, oh, c'est abusé. Ah ouais, ouais. Oh, non, comment tu fais? Mais parce que je dois entendre toutes vos voix, parce que parfois vous parlez tous en même temps, donc je suis obligé de bien mettre bien fort comme ça, je vous entends tous. Mais non, c'est méga fort là. Ah, voilà, c'est celui-là. Oh là là. Enfin, c'est fini. C'est bon. Allez, c'est parti. Mot de la fin, les amis. C'est Lara qui s'y colle. On peut lancer le jeu? Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Je parle dans le micro de Vince. Lara est à ma place, c'est un truc de ouf. Est-ce que j'ai une voix différente dans le micro de Vince? Non, enfin, moi j'ai pas l'impression. Réduis un peu, il y a une tranche qui est levée, qui est celle qui est tout au fond à gauche. Tout au fond à gauche. Ouais. Tu la réduis un peu. Comme ça? Réduis encore. C'est quoi, c'est ton micro à toi ou... Non, c'est la musique. Voilà, comme ça c'est super. Ah ouais? Parce qu'il faut que je garde un petit peu le contrôle de cette émission aussi. C'est parti! Bonsoir! On a Lara à mot en tête, la première personne qui trouve gagne. Tu lis les propositions qui arrivent sur le WhatsApp. Ok, et sur l'écran de gauche. D'accord, mais je dois prendre la souris pour non, ça. Non, tu lis ce qui arrive en haut et normalement ça reste en tête. Ah, c'est voilà. Ok, d'accord. Attention, c'est parti, ton mot est là. Mais attends, mais comment tu fais à gérer tout ça en même temps? Il va falloir qu'on lance. Allez, ah, oui, c'est parti, j'ai mon mot. On commence par Nigel. Un objet. C'est froid. Ok. Vivant. Froid. Oh. Thibaut. Technologie. Froid. Un sport. C'est froid. Sur le numéro de téléphone, le 0400 92 222 002, on me dit du poulet. C'est froid. On me dit formidable. C'est froid. Alors, je précise pour les auditeurs, désolé si on a été coupé par un truc. Si vous nous écoutez là sur Énergie en direct, il paraît qu'on a été coupé un peu avant. Je crois qu'il y a eu un petit bug. Ouais, un petit bug. Voilà, mais on est de retour pour le mot de la fin. Je vous précise, il faut trouver le mot que Lara a en tête. Réduis encore un peu la musique parce que la musique monte de plus en plus en fait. Ah ouais, non, mais pendant l'émission, vous vous rendez pas compte de ce que je dois gérer. Hein, c'est assez dingue. Hein. C'est fou. Voilà. Alors, donc poulet a été proposé, c'est froid. Tout est froid jusqu'à maintenant. Personnage. On nous dit l'espace, je dis froid. Ok. Un zizi, c'est froid. Un fruit, c'est froid. Ouais. Une radio, c'est froid. Un sport, c'est froid. Nigel. Technologie. Elle a déjà été proposée, t'es pas attentif. Moi je vais dire personnage. C'est froid. T'as vu comment t'es dedans hein? Ouais, je suis dedans moi. J'ai envie de me trouver vite parce que je voulais lancer l'extrême. Une idée. Hein? Une idée. C'est froid. Nourriture. C'est froid. Ah! Ça peut, dans un cas, se rapprocher, mais. Tu sais quoi? Je pense que c'est la seule manière de trouver ce mot. On va garder nourriture. Nourriture est un peu chaud. Oui, il y a un rapport avec mon mot. Nigel. Enfant. Oui, c'est ça, voilà, c'est dans le même. Voilà, oui. C'est chaud aussi. Enfant, nourriture. Lara, elle dit pas chaud. Non, quoi, mais c'est chiant parce que. Ah, c'est dur, comment tu fais, Vince, quand ton mot il a plusieurs. Alors, à toi, Vince. Alors, très bien, moi je propose cuisine. Non, froid. Ustensile. Ok, très bien. Ustensile, froid. Jouet. Froid. Nigel. Reste concentré, Nigel. École, froid. Alors, moi, je vais proposer bébé. Froid. Oh. Allaiter. Froid. Naturel. Froid. Supercherie. Froid. Alors, très bien. Je vais aller un petit peu dans un autre... C'est un mot expert, en fait, mais c'est un mot très, très simple. Je vais aller dans un autre domaine. Ouais. Je vais dire verbe. Froid. Ah, purée! Mais. Lis les propositions qui arrivent sur le WhatsApp. On me dit fast food, c'est froid. Orange, c'est froid. Enceinte, c'est froid. Y'a rien qui est chaud là-dedans dans ce qu'ils proposent. Nudiste, c'est froid. C'est incroyable. Biberon. Froid. Donc précise. Voyance. C'est froid. Trucage. Froid. Ok, alors je précise, vous devez faire vos propositions sur le numéro de téléphone, le 0492 222 002. Moi, je vais te proposer vêtements. Froid. Jamais proposé de truc rien à voir, c'est génial. Froid. Il y a jeune renois sauvage aux geeks durs qui dit anus humide, c'est froid. Ok. Isaline équilibré, c'est froid. Restaurant, c'est froid. Troll, c'est froid. Cinéma, c'est froid. Personne qui est dans le show en fait. Personne qui est dans le show. Thibaut. Ingrédient. Froid. Marque. Chaud. Ah. Dans le sens où le lien avec là tout à l'heure ce que vous avez dit, la nourriture et la marque. Oui, donne pas trop d'infos. D'accord. Nourriture, enfant, marque. Je précise les mots qui sont chauds. Si, t'avais dit enfant. Ah oui, mais c'est pas par rapport à la marque. Oh, d'accord, mais je précise les mots que t'as dit où ils étaient chauds. Moi, je les note pour les auditeurs, pour les recadrer. Ouais. Vas-y, fais ça. Nourriture, enfant, marque. Jusqu'à maintenant, c'est chaud.